par des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle soirée, ce nouveau mardi de l'espace. L'élection présidentielle approche à grands pas. Et donc ce soir, rien de mieux que de parler de politique spatiale, de droit. Hein, on va s'interroger un petit peu sur les enjeux politiques, économiques au niveau de l'espace, parler de droit spatial. Avec nos trois intervenants du soir, Christophe Venet, Alain Dupas, Philippe Claire et notre cher pianiste Xavier, à qui je donne tout de suite le piano. Si tu laisses trop d'espace aux jeux politiques ou économiques, il ne reste plus de place dans la République pour les travaux pratiques. Et par travaux pratiques, j'entends s'embrasser comme des adolescents, jouer au football dans un champ, faire le tour de l'hippodrome de Longchamp tout nu, les cheveux dans le vent. Mais si tu laisses trop d'espace aux jeux politiques ou économiques, il ne reste plus de place dans la République pour les travaux pratiques. Merci Xavier. Et c'est bien tranquille que nous allons commencer avec notre premier intervenant du soir. On va commencer avec vous Christophe. Vous êtes chercheur associé au programme Espace de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, depuis octobre 2010. Le spatial, généralement, dans l'esprit des gens, c'est plutôt un milieu d'ingénieurs, un milieu qui est dominé par les considérations techniques, scientifiques. Et là, je vais vous décevoir, de ce point de vue-là, je pourrais rien vous dire. Vous n'avez pas de formation en sciences dures, en fait. Ma terminale S s'est très mal passée, et c'était il y a longtemps, donc c'est le seul reliquat de connaissances scientifiques dites dures que j'ai. Mais justement, je crois que c'est ce qui fait tout l'intérêt du sujet de ce soir aussi, c'est de montrer qu'on peut aborder le spatial par le biais d'une approche politique. Et d'ailleurs, dans mon cas, ça s'est fait aussi, je dirais presque par hasard, ce qui doit être un peu le... Parce que j'étais un peu dans le même état d'esprit que la plupart des gens. Pour moi, le spatial, l'aéronautique, c'était une passion dans l'enfance. Mais à partir du moment où... Des beaux livres, des belles histoires. Et donc forcément, de fil en aiguille, quand on s'intéresse à l'aéronautique, on touche un peu au spatial. Mais j'ai jamais imaginé une seule seconde que je puisse travailler dans ce domaine. C'est par hasard, au cours de mes études donc en sciences politiques, que j'ai suivi un cours de politique spatiale. Donc, quand j'ai vu l'intitulé, je me suis dit, tiens, ça m'a interpellé et j'ai trouvé ça intéressant. C'était dans les années 90, 2000 ? Non, je suis un petit peu plus jeune que ça. C'était en 2005. Et c'était un cours intégré dans le cursus ou oui, c'était une option ? Oui, c'était un cours intégré dans le cursus. Enfin non, c'était une option qu'on pouvait choisir en l'occurrence. Et puis, j'y suis allé un petit peu la fleur au fusil en me disant que c'était un thème qui m'intéressait. Et c'est là que j'ai vraiment saisi toute la dimension politique du spatial, en fait. Puisque le spatial, surtout après la fin de la guerre froide, il y a eu quand même une forme de changement de paradigme. Le spatial est toujours dominé par des considérations scientifiques et techniques, mais il y a des considérations politiques, pas uniquement de politique intérieure, mais surtout de politique internationale, qui ont pris le pas aussi. C'est intéressant de voir que dans des cursus d'études politiques, on intègre ces questions liées à l'espace, même en cours. C'est très rare, à vrai dire. C'est très rare, c'était une exception, en fait. Donc, c'est juste que... Mais ça existe. Ça existe. Mais il y a même des cursus des cursus universitaires qui se concentrent sur certains aspects de la politique spatiale, pas uniquement en France, mais à l'étranger aussi. Je me suis intéressé progressivement à ces questions, et puis ça m'a amené de fil en aiguille à travailler dans le domaine de la politique spatiale dans le monde des think tanks. Donc ce terrible mot, terrible néologisme anglais, désigne des centres de recherche, en fait, mais généralement qui sont composés de chercheurs en sciences politiques et qui abordent un certain nombre de questions sous l'angle politique. Des centres de penseurs. Oui, enfin, je n'irai peut-être pas jusque-là en ce qui me concerne, mais pour les plus aguerris, oui, on peut vraiment parler de penseurs. Pas être si modeste, hein. Non. Ah, donc en fait, j'ai passé quelques années dans différents think tanks en Autriche et puis maintenant à l'IFRI à Paris. En quelques mots, qu'est-ce que c'est l'IFRI concrètement ? Alors l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. C'est l'un des principaux, voire le principal, centre de recherche français qui regroupe en fait à peu près une quarantaine de chercheurs qui travaillent sur des thématiques géographiques. Donc on a des experts de différentes zones géographiques, on a des experts de politique asiatique, on a des experts sur les États-Unis, sur la Russie, sur l'Afrique. Et on a un certain nombre de centres de recherche qui sont plus transversaux, donc thématiques. Un centre de recherche sur l'énergie, un centre de recherche sur l'immigration, sur la sécurité bien évidemment, qui est la préoccupation centrale et constante en politique internationale. Et puis un petit centre espace dont je fais partie, donc on est deux, enfin un et demi en quelque sorte. Donc vous voyez qu'on a une toute petite part et puis c'est difficile disons de se faire admettre dans les deux mondes, de se faire admettre dans le monde de l'espace parce que c'est quand même un monde qui est dominé par des ingénieurs, par des gens qui ont une formation technique. Et puis dans le monde des chercheurs, puisque généralement les chercheurs travaillent sur des thèmes qui sont nobles, comme la sécurité, enfin dit nobles, les questions de sécurité, les questions d'environnement. Et quand on vient et qu'on explique aux gens qu'on travaille sur la politique spatiale, ils nous regardent avec des yeux de Merlan Free un petit peu en se demandant mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène ? Vous êtes un peu le cul entre deux chaises en fait, c'est ça ? En somme, en quelque sorte, voilà. Dans mon cas, un aspect assez important de mon activité consiste aussi à sensibiliser le public de manière générale, mais aussi les décideurs politiques à l'importance du spatial, l'importance stratégique, et pas seulement stratégique dans le sens militaire, mais stratégique dans un sens beaucoup plus large, dans un sens, je dirais presque, d'atout compétitif dans une perspective mondiale, stratégique au sens économique, stratégique au sens de l'innovation, au sens de l'espace comme outil diplomatique, comme outil de mise en œuvre d'un certain nombre de politiques terrestres. Et en particulier, pour en venir au thème sur lequel je travaille beaucoup en ce moment sur la politique spatiale européenne. Quand on pense espace, politique spatiale, on pense tout de suite à la NASA, on pense à la navette spatiale, on pense aux astronautes, mais l'Europe est une puissance spatiale tout à fait considérable qui a pu aligner un certain nombre de succès scientifiques, techniques et politiques aussi depuis plus de 40 ans qui sont tout à fait incroyables et impressionnants. On a déjà eu l'occasion d'en entendre parler avec l'exploration de Mars. Voilà, mais pas uniquement. Les nombreuses missions. Voilà, en termes d'application, le système Galileo qui est en train d'être mis en œuvre aussi, c'est peut-être un exemple qui vous parlera plus. Donc concrètement, voilà, mon travail consiste à produire une analyse, je dirais, hiérarchisée des grandes tendances à l'œuvre dans la politique spatiale. Merci Christophe. On va passer alors à notre deuxième intervenant, à votre gauche, qui est Alain Dupas. Alors vous Alain, vous n'avez pas fait d'études politiques, mais vous êtes physicien d'origine, j'ai envie de dire. Et vous êtes expert dans le domaine des politiques, des technologies et des programmes aérospatiaux. Et je suis tombé dans la marmite très petit, j'ai été... Adolescent, même enfant, j'étais déjà passionné par l'espace, mais j'ai fait des études de physique et j'ai fait une thèse en physique et je suis devenu professeur de physique à l'université d'Orsay, où j'étais il n'y a pas encore si longtemps. Mais après ma thèse, largement parce que je connaissais très bien un grand physicien qui s'appelait Hubert Curien, qui est devenu président du CNES. Eh bien, j'ai pu devenir conseiller au CNES, où j'ai passé une vingtaine d'années. Et puis, comme j'étais dans le monde de la recherche, j'ai créé avec des amis ce que vous avez appelé un think tank, un réservoir de pensée qui s'appelait le CREST, le Centre d'études des relations entre stratégie et technologie à l'École Polytechnique, justement pour travailler sur l'impact de l'espace et plus généralement des technologies avancées dans le domaine de la défense. C'était, quand on a créé ça, c'était en pleine guerre froide, c'était l'époque de Ronald Reagan, c'était l'époque de la guerre des étoiles, et l'espace avait un rôle absolument considérable sur justement les relations entre les superpuissances et puis les questions de guerre ou paix qui à l'époque étaient quand même d'une importance considérable. Le monde étant malgré tout à cette époque à la merci d'un conflit nucléaire qui aurait quasiment anéanti l'humanité. Le fait d'être physicien sert beaucoup dans la mesure où, effectivement, que ce soit pour les fusées, les satellites, les applications spatiales, civiles ou militaires, la physique joue un très grand rôle, la technologie. Donc, une formation de physicien et même la poursuite. J'ai enseigné pendant une vingtaine d'années la physique et après j'ai enseigné les relations entre stratégie et technologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Je veux dire, le fait d'avoir une formation scientifique n'est pas un problème, au contraire. Et puis, dans ce cadre, on a été bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Europe, même si l'Europe a un programme spatial très important, à cette époque, autant de la guerre froide et même encore aujourd'hui, la puissance dominante, ce sont les États-Unis, et je suis devenu chercheur associé à ce qui est un peu le point de départ de tous les endroits où l'on fait des travaux sur la politique spatiale, l'Institut de politique spatiale de l'Université George Washington, qu'anime mon ami John Loxton. Et j'y ai fait beaucoup de séminaires, pas mal de recherches, et je continue à y aller régulièrement. Mais moi, j'ai quitté le CREST à la fin de la guerre froide. Le CREST avait une orientation très relation stratégie technologie. Après, je dirais, le CREST est devenu peu à peu la FRS, avec fusion avec d'autres organismes, la Fondation pour la recherche stratégique, qui a quand même très largement perdu ce qu'on voulait faire au départ avec les amis avec qui on avait créé ce labo à Alix, c'est-à-dire l'aspect technologique. En quoi la technologie change-t-elle les choses? Alors, l'espace, de ce point de vue-là, est un exemple formidable parce que c'est effectivement un domaine de technologie très avancé et c'est un domaine qui peut changer énormément les choses. C'est un domaine qui, on peut dire, c'est un domaine qui a changé le monde. La guerre froide, quand même, serait bien devenue chaude. D'ailleurs, en 1962, il y a donc 50 ans, au moment de la crise de Cuba, on est passé pas loin d'un affrontement nucléaire entre les deux superpuissances. Mais justement, en 1962, c'est le moment où les satellites commencent à jouer un rôle, un vrai rôle, pour observer, surveiller, fournir des informations et permettre à chacune des deux superpuissances, et surtout d'ailleurs aux États-Unis, de savoir ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Ce sont ces moyens spatiaux de surveillance qui ont permis les accords de désarmement stratégique, de limitation des armements stratégiques qui ont été signés à la fin des années 60. Donc, si vous voulez, la détente n'aurait certainement pas été possible s'il n'y avait pas eu des moyens spatiaux qui étaient... Vous savez, le problème, c'est que pour surveiller, par exemple, ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer, vous aviez que deux moyens avant, c'était des avions. Alors, quand vous envoyez des U-2, eh bien, un jour se passe ce qui s'est passé... avec un avion U-2 dans les années 50, il a été abattu. À partir de ce moment-là, eh bien, les Américains ne savaient plus du tout ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Et ça n'aurait, du coup, c'est pas possible de compte. Si vous ne pouvez pas signer des accords de limitation des armements, si vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez pas un moyen indépendant de contrôler. Il y a une chose tout à fait admirable dont Philippe pourra parler tout à l'heure, c'est que, eh bien, s'il est interdit de faire voler un avion au-dessus d'un territoire sans l'autorisation du pays survolé. En revanche, dans ce domaine qui était tout neuf, qui était celui de l'espace, quand les Soviétiques ont lancé Sputnik en 1957, ils ont demandé l'autorisation à personne pour un véhicule qui, en quelques jours, a survolé pratiquement tous les pays du globe. Et d'une certaine manière, ce premier lancement conduit comme ça sans demander d'autorisation a posé un principe qui est absolument fondamental, c'est qu'il y a la liberté de circulation dans l'espace. À partir de ce moment-là, vous mettez des caméras sur un satellite, vous pouvez aller surveiller ce qui se fait, vérifier que le pays adverse n'est pas en train de développer secrètement des armements, de construire des bases, etc. Et c'est ainsi que les satellites ont joué un rôle absolument essentiel dans la détente, donc la fin des années 60, les années 70, et un peu plus tard, dans les années 1980, eh bien une course aux armements avec largement des systèmes spatiaux a beaucoup contribué à l'affaiblissement de l'URSS et à la chute de l'URSS. Donc le monde ne serait pas le même aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les systèmes spatiaux militaires. Je dirais que le monde ne serait pas non plus le même aujourd'hui si on n'avait pas envoyé des hommes sur la Lune et découvert l'univers, ce qui est manifestement quelque chose que vous traitez très souvent ici. La conception que l'on a aujourd'hui de notre place dans l'univers vient largement de toutes les recherches qui ont été faites. C'était une fantastique couverture sur l'univers avec les observatoires spatiaux, avec les sondes qui ont découvert le système solaire. Et puis je dirais, ce qui est la troisième chose, c'est que les applications pratiques de l'espace, elles aussi, qui ont commencé dans les années 1960, avec en particulier les télécommunications spatiales globales, ont aussi changé complètement le monde. On ne s'en souvient pas, mais avant les premiers satellites de télécommunications, il était impossible, par exemple, de transmettre une image en temps réel à travers l'Atlantique. Quand on envoyait des reportages de ce qui se passait aux États-Unis, par exemple l'assassinat du président Kennedy, eh bien, ça, c'était des bobines qu'on mettait dans un avion qui traversait l'Atlantique. Et à partir de 1968 et à partir de la mise en place de satellites de télécommunications globaux, eh bien, ça a tout changé brutalement. Le monde est devenu une espèce de village global dans lequel l'information circulait. C'était extraordinaire. Et le premier événement qui a été transmis, je dirais, en mondiovision, c'était un changement total. C'était les Jeux olympiques de Mexico en 1968 et ensuite le débarquement de l'homme sur la Lune en 1969. Et bien sûr, après, les télécommunications spatiales se sont développées, se sont transformées. La technologie est quelque chose qui change. Aujourd'hui, on transmet les images à travers l'Atlantique en utilisant des fibres optiques. Les satellites ont d'autres usages, comme la diffusion de la télévision directe. Le fait qu'on puisse disposer d'un très grand nombre de chaînes sur nos téléviseurs, ça a commencé dans les années 90 avec la télévision directe. Et sincèrement, donc l'espace n'est pas un immense monde économique par rapport, par exemple, à celui de l'énergie. C'est relativement modeste en termes d'activité. Je veux dire que les grands programmes spatiaux, c'est quelques dizaines de milliards d'euros dans le monde. Mais les applications qui ont été mises en place, donc en particulier la télévision directe par satellite, la navigation par satellite avec le GPS et bientôt bien sûr le système européen Galileo, ce sont des choses qui ont changé la vie des gens. On imagine mal ce que serait notre vie si on n'avait pas une 200 ou 300 chaînes sur nos téléviseurs, si on n'avait pas le GPS pour nous rendre dans des endroits qui ne sont pas très bien repérés sur des cartes. C'est vraiment les applications spatiales, et je ne dis pas les applications aussi civiles, l'observation de la Terre, la météorologie, bien sûr. Si vous voulez, l'espace a cette caractéristique extraordinaire, c'est que sans être un domaine économique gigantesque, eh bien, la plupart des activités spatiales ont un impact considérable, soit sur la vie internationale, soit sur la vie quotidienne des gens, soit sur la perception, soit sur la culture, donc sur notre perception en particulier, notre place dans l'univers, sur aussi la vie dans l'univers. Je veux dire que l'espace, et c'est ça qui me fascine vraiment dans l'espace, c'est à quel point l'espace joue un rôle fondamental dans la transformation du monde et de la société. On va passer à notre troisième et dernier intervenant du soir, Philippe Clerc. Alors vous, Philippe, vous êtes directeur ou responsable, je ne sais pas comment on dit, du directeur, sous-directeur, pardon, sous-directeur du service juridique du CNES depuis maintenant 2007. Vous vous intéressez donc au droit de l'espace, c'est bien ça. Pourquoi l'espace ? C'était un concours de circonstances. Je ne vous cache pas que j'avais 7 ou 8 ans lorsque le premier homme a posé pas sur la Lune, et je m'intéressais. Je me souviens avoir des Paris Match de l'époque encore dans mes affaires. Et bon, comme tout jeune à l'époque, on rêvait d'être cosmonaute. Mais ça m'est passé après dans ma vie scolaire et universitaire. Que pour tous les trois. Et en fait, bon, j'ai fait un 2SS de droit international, et j'avais organisé une rencontre avec des professionnels justement de l'entreprise pour mélanger les universitaires et les entreprises, et j'avais invité un juriste du CNES, et du coup, quand il est parti, il m'a fait signe, et j'ai postulé à un poste de juriste, mais qui était publié dans Le Monde. Donc j'ai répondu à une annonce du Monde, comme n'importe qui, mais en ayant un peu une introduction. Vous allez voir que le domaine juridique est très, très, très ouvert. Certains m'ont connu à l'époque, des 89. C'est très ouvert. Donc j'ai commencé à faire du juridique pur dans le domaine du droit des affaires, droit international, la propriété intellectuelle, la fiscalité. Très intéressant, la fiscalité de l'espace, parce que là aussi, il y a un domaine vierge, mais qui ne le restera pas longtemps, puisqu'il y a un potentiel économique et la fiscalité doit s'y intéresser. Donc à l'époque, c'était de façon très terre-à-terre sur la taxe professionnelle sur la base de Kourou. Mais il y a la question de la TVA. La TVA, est-ce que les services dans l'espace doivent être soumis à la TVA ou pas? Et si oui, où? Hein, et dans quelle mesure? Bon, ça c'est pour l'exemple. Il y avait aussi le droit des sociétés, le droit des affaires, puisque le CNES est une des rares agences spatiales. Et on a inauguré le partenariat public-privé avant l'heure dès les années 80, a créé des filiales dans le prolongement de ces programmes de recherche et développement pour leur donner une exploitation industrielle et commerciale. Quitté vraiment le service juridique, j'ai rejoint les affaires internationales pour. Dans les années 94, m'occuper des relations avec l'Union européenne. L'Europe spatiale existe, mais elle a été structurée à partir des années 60, on va dire, pour être simple, par l'Agence spatiale européenne, et qui est une structure qui est indépendante de l'Union européenne. C'est une structure intergouvernementale avec ses États membres qui sont à peu près les mêmes que ceux de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle l'ESA aujourd'hui. L'ESA, oui, Agence spatiale européenne, mais qui fonctionne sur des règles juridiques de gouvernance qui sont, je dirais, non seulement différentes de l'Union européenne, mais je dirais même contradictoires. Elle a son propre droit, elle crée ses propres instruments juridiques, et surtout elle fonctionne dans un cadre purement intergouvernemental. Est basé sur le principe du retour géographique, bon, avec des adaptations, mais retour géographique, si on l'analyse, qui est contraire à la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'Europe. Ensuite, j'ai rejoint la direction, la stratégie, mais toujours comme juriste, dans les années 95-96, pour mettre en place une politique de partenariat public-privé. On initiait dès ces années-là, fin des 96-97, le concept de partenariat public-privé appliqué aux affaires spatiales. Donc on sortait du cadre classique des marchés publics et du cadre des filiales que l'on créait, parce qu'on était dans le droit des sociétés, du cadre de l'agence qui a ses propres instruments juridiques. Là, on inaugurait ce qu'on appelle maintenant vulgairement le partenariat public-privé avec des investissements pris en charge. On y reviendra sûrement d'ailleurs après avec les vols spatiaux, etc. Et donc ensuite, j'ai quitté le CNES. J'ai quitté le CNES, mais en gardant une bretelle, comme on dit dans le jargon, pour rejoindre le ministère de la Recherche, qui est le ministère en charge de l'espace, donc au département espace. J'ai quitté le ministère en 2003 pour aller rejoindre Ariane Espace. Donc Ariane Espace, c'est la société qui opère les services de lancement Ariane. Donc c'est un peu l'Air France du spatial. En 2003, c'était une période très très difficile pour le spatial. C'était la grande crise, après l'éclatement de la bulle Internet, la crise des lanceurs aussi, puisqu'on avait le marché a chuté de plus de 50%, alors que les prévisions à la fin des années 2000 parlaient d'un marché qui allait exponentiel, jusqu'à 8. Puisqu'à l'époque, fin des années 90, on envisageait des systèmes de constellations. Télédésie qui avait même spéculé sur une constellation de 800 satellites, donc il fallait lancer tout ça. Donc on avait prévu un marché pour les lanceurs qui était phénoménal, donc tout le monde, on augmentait les cadences, et en fait le marché non seulement il n'a pas augmenté, mais il a diminué de moitié. Et avec beaucoup de choses à revoir de toute façon aujourd'hui. Et donc il a fallu recapitaliser la société, revoir les relations, remettre le. En plus, un malheur n'arrive jamais seul. Ariane 5 CA qui devait assurer la compétitivité a échoué dans son vol inaugural en 2002. Donc il fallait remettre en vol Ariane 5. Il n'y avait plus de lanceurs à lancer et modifier les relations avec l'Agence spatiale européenne. Et négocier le fameux plan EGAS qui a permis de remettre sur les rails le système européen des lanceurs et lui redonner sa compétitivité. Alors, particularité du secteur européen des lanceurs, c'est qu'il ne, il est, c'est une particularité européenne, c'est qu'il est, il est commercial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière militaire qui est gérée par les militaires. Tout est confié à Arianespace et en fait, c'est un. Les besoins publics sont satisfaits à des conditions acceptables grâce au recours à la possibilité pour les lanceurs européens d'avoir accès au marché international, marché dit commercial. En gros, sur 6 lancements que fait Ariane, 2 lancements sont institutionnels et européens, mais les 4 autres sont sous le marché international. Et donc, c'est ces 4 lancements-là qui, en amortissant les coûts fixes, hein, puisqu'il y a beaucoup de coûts fixes dans le secteur, permettent d'avoir pour les 2 autres un coût raisonnable. Et à maintenir justement l'intérêt pour nos politiques de soutenir la filière. Donc là, on a remis en place la filière et puis on a décidé, là j'avais changé de casquette, mais c'était la mise en œuvre des accords Soyouz en Guyane, avec les négociations avec les Russes au niveau intergouvernemental, avec l'Agence spatiale européenne, avec la société Starsen. Donc là, il y avait aussi une belle architecture juridique qu'il fallait conduire dans un temps encore. L'accord avec la BEI, puisque nous avons emprunté la partie Arianespace était financée sur un prêt BEI avec une garantie d'État français. Donc voilà pour Arianespace. Et puis aussi des négociations assez marrantes, justement, en pleine période de crise. On n'avait plus de lanceurs et la confiance avait disparu. Et en fait, Arianespace est revenu sur le marché, mais grâce finalement à un accord avec ses principaux concurrents, Seelaunch et Mitsubishi pour H2 au Japon. Finalement, on n'avait plus de lanceurs à vendre, mais à chaque appel d'offres, on ne pouvait pas postuler décemment en disant on a un lanceur qui marche bien, puisqu'il fallait attendre la fin du plan de recouvrement, donc c'est à peu près un an, un demi au minimum. Et donc, on vendait des Ariane 5 qu'on n'avait pas, mais en disant, rassurez-vous, si on n'arrive pas à lancer, vous avez une assurance qu'on lancera, on sous-traitera le lancement à Seelaunch ou Mitsubishi, donc vous serez lancé en temps utile. Donc, c'était Mission Assurance. C'était la première fois qu'on a organisé un système de... C'est plus un lanceur que l'on vend, enfin, les services d'un lanceur donné, mais c'est un engagement juridique de placer en satellite à telle orbite, à telle date, à tel prix. Peu importe le moyen. Ce marché évolue vers vraiment un marché de service et où on dématérialise par rapport au lanceur. Et je suis donc à la suite de ça revenu au CNES en 2007 pour reprendre les affaires juridiques. C'est un métier classique de juriste qui fait du contentieux, puisqu'on a beaucoup de contentieux, mais heureusement, peu dans le secteur spatial, parce que la collectivité spatiale reste une communauté très solidaire. Donc, les contentieux qu'on a, c'est avec des fournisseurs informatiques ou dans l'immobilier à Kourou. Beaucoup dans Guyane, il y a beaucoup de contentieux parce qu'on est dans la vraie vie, quoi. On a construit une base vie et avec des problèmes juridiques d'urbanisme et autres. D'installation. Ça, c'est classique. L'autre rôle, c'est qu'on intervient beaucoup dans la construction d'accords, l'élaboration des statuts, des accords, puisqu'en fait, toutes les coopérations... Les accords, quand vous dites accords, c'est les coopérations entre les agences. Il n'existe pas, ma connaissance, de projet qui soit fait par un seul pays. On ne fait rien en Europe, à ma connaissance, en national. Il y a une omniprésence, je trouve ça quand même assez impressionnant, des aspects juridiques dans toutes les missions, les programmes... qui sont mis en place aujourd'hui. Oui, c'est défensif. C'est extrêmement présent. Oui, parce que c'est quand même, on travaille sur des gros montants financiers, et puis on est sur une activité très risquée. Un lanceur qui explose, ça peut faire des dégâts sur une ville. Ça peut entraîner de la pollution, parce que les ergols ne sont pas toujours très propres. Ça, c'est sûr que ça peut faire des dégâts humains. Enfin, donc, est-ce que concrètement, vous intervenez ou vous travaillez en collaboration ou les chercheurs font appel à vous? Parce qu'on a rencontré des chercheurs là lors de ces dernières soirées qui travaillaient donc sur la mise en place de programmes d'exploration, etc., etc. Est-ce qu'ils viennent vous voir, vous poser des questions pour des aspects juridiques, de faisabilité des missions, ou est-ce que c'est vraiment un travail main dans la main aussi, ou comment ça se passe? Les agences sont organisées de façon quand même très organisée, si je puis dire. C'est, nous ne sommes pas militaires, mais nous sommes comme des activités stratégiques. Donc les programmes, c'est très coûteux. Il faut que dans le temps, il faut que on soit là au bon moment. Donc c'est organisé de façon assez militaire. Des programmes comme la Lune, le spatial est une activité qui est très réglementée, mais je dirais techniquement. Le juridique ne fait que de suivre ce mouvement, mais on n'a pas de. On a peu d'ingénieurs tournesol dans le spatial. Ce sont avant tout des ingénieurs projets, programmes, qui s'appuient sur des scientifiques, mais les programmes sont très policés. Très cadrés. Par contre, ceci dit, donc la hiérarchie, elle est interne aux organismes. Par contre, rien ne se fait sans coopération. Donc, en fait, quand on rédige des accords, c'est surtout un partage de tâches. C'est un peu le principe de l'auberge espagnole. On se met d'accord sur un partage des tâches pour un projet donné. Et après, chacun a ses propres responsabilités, finance comme il peut, et il fait son affaire de ses propres risques. Voilà, donc c'est un peu l'économie des accords que nous avons. Donc on est souvent sur des obligations de moyens et non pas de résultats. À chaque programme, On crée la norme juridique. On invente des solutions juridiques. On parle de Galiléo. Bon, Galiléo, on sait que techniquement, ça permet de localiser. C'est quoi Galiléo? Galiléo, c'est comme GPS. C'est avec des satellites, vous pouvez, par un système de triangulation, vous mesurez la distance avec des satellites qui sont connus. Donc, vous pouvez trouver votre place en 3D à un instant très précis. Donc, vous connaissez les applications dans votre voiture et autres. Donc ça, là, par exemple, la question juridique, ça va être... Si quelqu'un, en suivant un signal Galiléo, il roule en contresens dans l'autoroute, qui va être responsable? C'est embêtant, si le satellite se retrouve les pattes en l'air, donc il va émettre un faux signal. Donc, est-ce que c'est le récepteur ou est-ce que c'est le satellite et qui va payer in fine? Et du coup... Ces questions-là, on se les pose. Heureusement, on se les pose avant, parce que nous sommes des gens responsables dès le début du programme. Et il faut se les poser à ce moment-là. Et en fonction de ça, ça va structurer l'architecture juridique du programme. Ça va être dans un cas, on va dire ça peut être fait par le secteur privé, parce que les assureurs acceptent. C'est un risque acceptable par rapport à la capacité des assurances ou aux capacités financières des entreprises. Ou alors, dans des cas comme Galiléo, par exemple, typiquement, c'est une responsabilité telle qui est infinie, par définition, elle ne peut être assumée que par des États. Donc, le schéma, la structure juridique et son mode de financement va s'en ressentir. C'est typiquement ce qui s'est passé pour Galiléo. Au début, il y a 10 ans, la Commission voulait faire un PPP. Donc, en gros, c'est le privé qui finance. C'est quoi un PPP? Un partenariat public-privé, c'est le secteur privé qui finance l'infrastructure et qui en est propriétaire. Mais pour ce faire, il touche de l'argent de la puissance publique, moyennant l'État qui lui prête de l'argent, la puissance publique pourra utiliser le service. Alors, je vous donne un exemple plus concret, c'est les prisons. Avant, les prisons, elles étaient construites par l'État, gérées par l'État, et du coup, c'est en interne, quoi. C'est des frais de fonctionnement interne ou des frais d'investissement qui sont propres à l'État. Là, le système des prisons, en cas d'urgence, on demande à Bouygues de faire une prison ou un hôpital. Il l'a fait clé en main. Il y a des prépaiements qui sont faits par la puissance publique, mais c'est lui qui va gérer l'hôpital, mais à condition de respecter un cahier des charges, de s'assurer que la lumière est là, que toutes les installations fonctionnent bien et de garantir la maintenance, le cas échéant, sachant que c'est pas la responsabilité médicale ni les fonctions régaliennes ou médicales restent faites par les professionnels. Mais c'est un moyen justement d'inverser le financement et la propriété. Et la propriété, ça change beaucoup, puisque dans un PPP, C'est le droit privé qui va s'appliquer et on n'est plus dans les exceptions service public, souveraineté, quand on veut par exemple interdire l'accès du signal. Là, on n'est plus dans le même ordre juridique. Super. Je regarde pas la télé, j'ai pas de GPS, et pourtant quand en plein été, quand je vois dans le ciel un point brillant qui bouge, ça me fascine et ça me fait rêver. Est-ce qu'on a des premières réactions ou questions par rapport à ce qui vient de se dire? Non. Ah si, si, si. Ah oui, pardon. Bonsoir. Oui, vous évoquiez tout au début le fait que dans l'espace, a priori, on peut circuler, les engins peuvent circuler librement. Et je voulais poser la question suivante, c'était de savoir si il était légal d'installer des armes de destruction massive dans l'espace et si ça intéressait les militaires. Vous posez juste la question qui est résolue, je dirais, très clairement dans le traité de 1967 dont Philippe vous parlera plus longuement. Traité de l'espace de 1967, s'il y a une chose qui est interdite, c'est l'installation d'armes de destruction massive dans l'espace. Mais cela étant, on peut franchement s'interroger. À l'époque, effectivement, certains songeaient à mettre des bombes, des bombes nucléaires en orbite, et puis éventuellement à les utiliser en les faisant descendre en cas de conflit. La folie des hommes. Oui, mais en fait, on a fait une autre solution a été préférée techniquement, c'est de mettre les bombes thermonucléaires dans des sous-marins où ils sont beaucoup plus difficiles à détecter que dans l'espace. Et en fait, sincèrement, sur le plan stratégique, mettre dans l'espace des armes de destruction massive, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est une part du traité. Du traité de 1967 qui n'a jamais posé de problème à personne pour son respect. Et je vous dirais très franchement que ce que je pense personnellement, ce qui m'ennuie beaucoup plus, c'est les armes de destruction massive sur la Terre que dans l'espace. Ça peut être aussi un problème. Hein. Oui, mais il y a donc effectivement cette attitude qui consiste à dire l'espace doit rester une espèce de région vierge, pure, de... En réalité, en dehors de la présence d'armes de destruction massive qui est donc interdite et qui, à ma connaissance, n'a jamais été violée, l'espace, en revanche, est devenu un domaine où sont placés des satellites qui servent aux forces armées. Donc je citais tout à l'heure l'exemple de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est plutôt quelque chose qui sert à la diplomatie, à la politique. Il s'agit de vérifier, par exemple, que des traités sont respectés, comme des traités de limitation d'armement. Mais après, sont venus... Donc c'est vraiment ce qui a été le plus important au départ, puisque, comme je l'ai déjà dit, ça a permis une certaine détente entre les deux superpuissances dans les années 60 et 70. Mais après, les satellites de télécommunication, puis les satellites de navigation... sont devenus des parties vraiment indispensables pour la machine militaire, en particulier des États-Unis. Je dirais que pendant longtemps, jusqu'en 1991, si vous voulez, il y a eu deux très grandes puissances qui étaient en Ligue 1, en quelque sorte, dans le domaine spatial. Et puis ensuite, après la chute de l'Union soviétique, malgré tout, la Russie est quand même descendue un peu de catégorie. En revanche, pour les États-Unis... Les États-Unis, leur système militaire aurait énormément de mal à fonctionner s'ils n'avaient pas tous les satellites qu'ils ont pour les navigations, pour les télécommunications, pour l'observation. La machine militaire américaine dépend, je dirais qu'à peu près, entre pas loin de 10% du budget militaire américain va aux systèmes spatiaux. Et sans ces systèmes spatiaux, les Américains auraient une machine militaire qui fonctionnerait très mal. Et je commence à me demander pourquoi on a mis un point d'interrogation à enjeu politique. Ouais, hein, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais. Hein. Peut-être pour revenir sur ces choses-là, et puis vous me rattraperez si je dis des bêtises, on a donc Sputnik qui est lancé en 57, et en 59, donc 2 ans après, on a la création du comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, hein, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et 4 ans après, en 63, l'ONU se dote d'une résolution qui dit que l'espace doit être exploré et utilisé pour le bien commun de l'humanité. Et l'espace n'est pas susceptible d'appropriation et ne peut être l'objet de souveraineté nationale. Donc l'espace n'appartient à personne, on doit pouvoir y circuler librement et l'utiliser pacifiquement. Alors on voit que ce que vous dites, c'est pas tout à fait ça. Et puis donc, comme vous disiez, en 67, hein, donc il n'y avait pas de juridiction à proprement dit des États. Et en 67, on a donc un traité de l'espace entre le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie, enfin tout le monde, mais entre tout le monde, d'accord. Et donc, qui parle des activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace, donc extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Donc, c'est une sorte de petite régulation, ce qu'on appelle le traité de l'espace. Qui fait, quand je dis petit, c'est parce que ça fait à peu près une soixantaine de pages. C'est pas très long, mais c'est du lourd, comme vous dites. Alors, allez-y, je vous laisse rebondir. Je vais juste ajouter une petite chose. Vous avez utilisé l'expression pacifique. Ben, la question, justement. C'est bon, quand même, cette petite appellation. Mais justement, la question de savoir ce que sont des activités pacifiques, on en est très rapidement venu à considérer que des activités de support aux forces armées, comme par exemple de fournir des informations qui permettent de guider les véhicules au sol ou les avions, ou bien de mettre en communication les soldats sur le terrain avec le centre de commandement, que ça, c'était du service, c'était pas agressif, et donc c'était pacifique. Donc la notion de pacifique pour ce qui est d'activité spatiale, c'est il n'y a pas d'armes. Ce sont des services, c'est ça. Effectivement, on considère que d'ailleurs, c'est par exemple, si vous prenez la convention de l'ESA, l'ESA ne peut conduire que des activités spatiales pacifique, mais quand la notion. C'est qui? C'est justement l'ONU. Non. Dans la convention de l'ESA, vous avez un paragraphe qui dit que l'ESA ne peut pas conduire. Alors donc, c'est assez subtil. Bon, les armes de destruction massive sont interdites, mais les activités de support aux activités militaires, ce qu'on appelle les activités spatiales militaires, ne sont pas considérées comme autre d'autres activités qui ne sont pas pacifiques. Mais excusez-moi, je trouve c'est un peu stupide, non? Ah, mais c'est pas stupide, c'est comme ça. c'est d'ailleurs, effectivement, d'ailleurs, vous prenez par exemple la France, qui est quand même, après les États-Unis ou soviétiques, le troisième pays qui a vraiment développé des activités spatiales au service des forces armées, avec des satellites de reconnaissance et des satellites de télécommunication, eh bien, ils ont pu être lancés par un lanceur développé dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, Ariane, parce que ce ne sont pas des activités qui sont considérées comme en dehors du champ des activités pacifiques. Donc, il faut voir que dans le spatial, les activités spatiales militaires, à partir du moment où elles ne sont pas agressives ou ce ne sont pas des armes, eh bien, c'est tout à fait du accepté. On peut vraiment le mettre ça dans la catégorie de ce qui est pacifique. C'est une question de définition. Et malgré tout, il n'en reste que pas moins que le plus grand programme spatial actuellement au monde, c'est le programme du département de la défense des États-Unis. Mais il est pacifique. Christophe, peut-être vous voulez rajouter quelque chose avant Philippe ou... Oui, moi, je vais peut-être retomber dans des considérations un peu plus générales, mais ce que m'inspire cette discussion, c'est deux points, à mon avis, qui sont importants. D'abord, il y a eu un saut quantitatif et qualitatif. Il y a deux âges spatiaux, si on veut. On a entendu un peu la caractérisation de la politique spatiale pendant la guerre froide. C'était dominé par deux acteurs principaux. C'était centré principalement sur des questions stratégiques, au sens étroit du terme, donc des questions militaires. Et puis, les activités commerciales étaient finalement assez limitées. Et à la fin de la guerre froide, on a eu vraiment un changement de paradigme avec une augmentation déjà tout à fait considérable du nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, des acteurs privés. Et puis, on a eu, une augmentation qualitative aussi de la dimension politique du spatial. puisque on est passé de questions strictement scientifiques et militaires à un ensemble beaucoup plus vaste. On en a un petit peu entendu parler, les applications spatiales qui se sont développées aussi parce qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions technologiques d'applications qui sont arrivées à maturité. Je pense notamment à la navigation, je pense à l'observation de la Terre. En fait, on a ouvert le champ à l'utilisation de l'outil spatial pour des politiques terrestres. C'est-à-dire qu'on ne se plaçait plus uniquement dans des considérations, spatiales en tant que telles, mais l'espace arrivait sur Terre. Et c'est ce qui explique aussi que le nombre d'acteurs étatiques est augmenté, puisque beaucoup de pays ont compris l'utilisation qu'ils pouvaient faire de l'espace pour leur politique de développement, pour leur politique de planification agricole, pour la gestion des risques dans les catastrophes naturelles. Et on a constaté que les acteurs étatiques qui se lançaient dans le spatial, c'était plus uniquement des pays développés, des pays riches, mais beaucoup de pays en développement aussi, des pays comme le Bangladesh, comme l'Algérie, comme l'Angola se sont lancés dans les activités spatiales. Donc on voit bien que c'est pas un luxe, si vous voulez. C'est une nécessité politique, c'est un outil politique tout à fait éminent. Donc ça, c'est la première chose. Il y a vraiment eu un changement quantitatif et qualitatif à la fin de la guerre froide. Le second point, à mon avis, qui est important, c'est ce qui ressort aussi un peu de la discussion jusqu'ici, c'est qu'on voit très clairement que la politique spatiale, en fait, ne saurait être détachée des dynamiques politiques terrestres. Quand on réfléchit bien, qu'est-ce qui élève dans les politiques spatiales? On retrouve les grandes constantes de la politique internationale, les notions de puissance, les notions d'intérêt, les notions de normes. Ça, c'est des notions qui sont tout destruction à fait, aussi, non? C'est lié au concept de puissance, si on veut. Donc on a entendu parler des implications militaires, des implications stratégiques. Là, on entre dans des questions comme la compétition entre les puissances. Aujourd'hui, un thème qui est actuel, c'est la montée de la Chine dans l'espace. On se demande où va la Chine. La Chine, qui a un programme relativement unilatéral, ils font beaucoup de choses par eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir entrer en compétition avec les États-Unis, par exemple? Donc là, on est vraiment dans un affrontement de puissance. Il y a un truc rigolo, d'ailleurs, que je trouve, c'est la montée de la Chine, mais la peur de l'Iran. Alors, l'actualité n'est pas du tout traitée de la même manière. Non, mais c'est une petite remarque. Dans le domaine spatial, si vous voulez, l'Iran, je pense que la menace perçue au réel iranienne, elle se situe sur un autre domaine qui est lié au domaine spatial, mais pas uniquement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve vraiment toutes les dynamiques de politique terrestre, les dynamiques de coopération, compétition, multilatéralité, unilatéralité, multipolarité, unipolarité. On retrouve toutes ces grandes tendances dans les questions spatiales. Comme si l'espace est un miroir un petit peu exactement. Sur Terre. Exactement, c'est un miroir non seulement des dynamiques à l'œuvre dans les relations internationales, mais c'est aussi un miroir de l'évolution des principales puissances. On voit par exemple la Chine, qui est une puissance en devenir sur Terre, développe aussi un programme spatial particulièrement ambitieux. Même chose pour l'Inde. L'Inde a longtemps utilisé le spatial dans une optique purement utilitariste pour favoriser son développement. Donc ils utilisaient l'espace dans le cadre de leur politique agricole, dans le cadre de la gestion. La vache est un animal sacré en Inde, donc c'est important qu'elle se porte bien, etc. Entre autres. Donc l'Inde, par exemple, aussi est une puissance montante. L'Europe a réussi à construire une politique spatiale tout à fait ambitieuse, mais en même temps est encore plongée dans ses contradictions liées à la construction particulière qu'est l'Union européenne. Finalement, c'est un agrégat de différents États-nations. Donc les questions de souveraineté se posent, les questions d'identité européenne se posent et se retrouvent dans l'espace. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Philippe nous en a donné un petit aperçu, là, on a vu, avec la construction de l'Europe, c'est pas... Exactement. Donc si vous voulez, les politiques spatiales sont intrinsèquement liées aux politiques terrestres des États et aux grandes tendances. Vous vouliez réagir, Philippe, par rapport à ce que disaient Alain et Christophe, et répondre à la question de monsieur. Sur notre approche, revenir sur la philo du traité de l'espace et par rapport aux activités militaires notamment. Bon, effectivement, il y a deux façons de voir la question. Soit on essaie de rechercher dans le traité là où on parle des militarisations. Effectivement, ça a été prévu à l'article 3, je crois. C'est le traité de l'espace que vous avez là sous les yeux? Oui, 4. 4, c'est l'article 4 qui interdit les armes de destruction massive dans l'espace ou sur la Lune. Alors ça, c'est, je dirais, le critère négatif. Mais je crois que pour mieux comprendre tout ça, pour trouver des solutions, il faut plutôt aller sur les bases même du traité. C'est l'article 1er. C'est pour définir de façon positive qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace, qu'est-ce qui est le cadre juridique de l'espace, de l'utilisation de l'espace. Et donc, c'est là qu'on retrouve ce qui avait été écrit en 1953 dans la résolution, mais une résolution, ce n'est pas contraignant juridiquement. On le voit actuellement avec toutes les résolutions sur l'ONU. Enfin, ça n'a pas de contrainte. Ce qui est juridiquement posable, c'est un traité. Le traité de 67 a racheté. L'idée de contrainte, c'est que ça n'a pas de valeur en tant que tel. Enfin, disons qu'on ne peut pas le trancher devant un tribunal. Quoi. Donc, ça n'a pas de force. Quoi. Enfin, d'un point de vue juridique, il y a tout ce qui n'est pas juridique, c'est politique. C'est, bon, les gens, c'est de la bonne parole, en fait. Voilà, hein. Ils ne veulent pas perdre la face ou parce qu'ils ont une certaine constance politique ou diplomatique. Mais on n'est plus dans le domaine juridique. C'est une autre sphère. Donc là, on dit très clairement l'exploitation, l'utilisation, y compris, doit se faire dans le bien et l'intérêt de tous les pays. Donc il y a vraiment, c'est un droit très humanitaire, quel que soit leur développement économique, scientifique. Donc là aussi, il y a le fait qu'on doit entraîner les autres. Alors bon, après, ne soyons pas angéliques, mais on a très bien posé le cadre. Il ne faut pas oublier que entre 63 et 67, la montée en puissance de la course à la Lune se faisait, et les deux puissances, l'URSS et USA, voulaient absolument parvenir à un compromis avant que le premier arrive sur la Lune. Alors du coup, ça a structuré ce droit de l'espace qui a, comme on vient de le dire, il est d'essence quand même très pacifique, dans l'intérêt de tous. Il a une mission d'intérêt général, le bien commun de l'humanité, l'apanage de l'humanité tout entière. Et dans l'intérêt de tous les pays. Donc ça veut dire que finalement, les gens ne sont pas censés se faire la guerre. Si c'est beau. C'est beau. Après, ce sont des déclarations, mais encore faut-il les écrire. Il y a peu de textes internationaux qui soient aussi positifs, aussi généreux, aussi humanitaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a une valeur, ce traité de l'espace ? Bien sûr, c'est la base du droit de l'espace. C'est la base du droit de l'espace. Et toutes les législations spatiales nationales sont obligées, puisque tous les pays ont souscrit à ce traité, les pays normaux. Normaux, même les non-normaux, mais je veux dire, non, la majorité des... très sérieusement, toutes les puissances spatiales ont accepté. Les grandes puissances, c'est ça. Les grandes puissances ou celles qui aspirent à le devenir. Mais l'autre élément aussi qui caractérise le droit de l'espace, on a parlé d'appropriation, c'est la non-appropriation. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il y aura peut-être des revendications de propriété un jour quand on arrivera à trouver des choses, et quand il y aura des ressources rares, il faudra forcément se poser la question de savoir comment on les partage. Mais c'est parce que c'est plutôt de la technique juridique, si vous voulez. On peut pas légiférer sur quelque chose de vide, sur quelque chose qui n'est pas palpable. Un satellite, il passe d'un point, c'est un caillou que vous lancez qui tourne sans arrêt, quoi, en fait. Donc il va survoler des zones et on ne peut plus le maîtriser. Enfin, quand il est véritablement en mouvement orbital, par définition, son intérêt, c'est de garder sa stabilité et d'y rester. Et donc, ça serait stupide de légiférer au-dessus de son pays. La question se pose pour, il y a toujours une exception, hein, c'est comme dans la grammaire, pour le géostationnaire. Parce que là, effectivement, ça pourrait se poser, les pays qui sont sur l'équateur, ils pourraient revendiquer une souveraineté sur les satellites géostationnaires. Et ces satellites-là, ils vont quand même à 8 km seconde. Ils sont en mouvement, ce n'est pas des points fixes. Donc, intellectuellement, c'est difficile d'imaginer un droit qui porte sur quelque chose qui n'est pas palpable. Et donc, vous pensez qu'on peut mettre ce qu'on veut sur des satellites? Non, parce qu'il y a des techniques qu'on peut développer. J'essaie d'expliquer juste la logique juridique, parce que ça va avoir des conséquences. Et on a repris les solutions du droit de la mer, du droit de la mer international. Si vous voulez, revenons à la colonisation au 15e siècle, la Renaissance. Il y avait une logique d'appropriation territoriale. Donc là, ça va. Et là, pleinement, on a le principe d'appropriation. Le premier venu, le premier servi. Oui, mais le drapeau, on va voir, c'est pas la même chose. Pour le drapeau sur la Lune, il n'y avait pas d'appropriation derrière. Hein. C'était simplement le symbole, c'est comme l'Everest. Il n'y avait pas d'appropriation derrière. Donc là, très clairement, c'est du droit classique, hein, la souveraineté par le territoire. Donc on occupe un territoire, hein, c'est le béaba du droit. Et puis on impose ses lois dessus parce qu'on a la souveraineté. Sur l'espace, on ne peut pas, c'est comme les hautes mers. Les ordonnances de Colbert ou le traité de l'Antarctique actuellement, c'est la même logique. C'est qu'on considère que les hautes mers sont un bien international. Chacun peut y circuler librement, même les bateaux militaires. Mais on ne peut pas, par exemple, implanter une plateforme pétrolière dans la haute mer. Et la question s'était posée indirectement sur Silange pour lancer. On n'est pas censé, dans la haute mer comme dans l'Antarctique, pouvoir s'approprier les ressources. Alors, le jour où ça viendra, les gens se poseront la question, mais il y aura des traités. Mais actuellement, dans l'état actuel du droit international, ce n'est pas possible. Donc, comme on ne peut pas mettre un système juridique sur du territoire, comment le faire? Par la technique du pavillon. C'est-à-dire, le droit, il ne porte pas sur un territoire, mais sur un objet spatial. qui va être un satellite, une station, un véhicule extra, une sonde, un véhicule, voilà. Et du coup, tout véhicule, dès son lancement, doit être autorisé et contrôlé par l'État approprié. Et du coup, la souveraineté, elle est liée à ça, à l'immatriculation. Donc, on a des systèmes d'où un satellite qui est lancé par Ariane et qui est opéré par Eutelsat, c'est le cas le plus simple, puisque ces deux sont des sociétés françaises, il est sous juridiction française. Il est sous responsabilité. C'est le droit français qui s'applique. Oui, à oui. Son, donc, une station purement française, bon, c'est hypothétique dans l'état actuel, mais le droit français du travail s'appliquerait pour les cosmonautes. Ils seraient se reposer, ils ne feraient pas plus de 35 heures. Quoi. Donc, la fiscalité, éventuellement. Vous voyez, on projette. Et le droit des brevets est très intéressant parce que la question s'était posée sur la station internationale. Quel droit des brevets on applique, le premier inventeur ou le premier déposant? Donc voilà, c'est la souveraineté. Alors donc, du coup, s'ils veulent prendre un jour de congé comme ça, à un moment donné, ils font comment ? Ça, pour l'instant, on le traite dans les accords internationaux, mais si on avait une station purement nationale, ce qui n'est pas le cas de la station internationale, hein, il y a eu un accord intergouvernemental, si c'était purement national, effectivement, le droit purement s'appliquerait. Et c'est pour ça d'ailleurs que donc, tous les pays sont censés adopter une législation. Et alors, autre point qui est très structurant pour le spatial, c'est la responsabilité. On a un système de responsabilité qui est absolu des États pour justement les activités qu'elles sont censées surveiller, contrôler. Alors absolu, ça va très loin. Parce que ça veut dire que la victime au sol qui reçoit un débris d'Ariane ou d'un satellite, elle peut attaquer Ariane ou l'état de lancement du satellite sans avoir prouvé la preuve d'une faute, ni d'un lien de causalité entre la faute et son dommage. Le fait qu'elle ait subi un dommage, elle peut attaquer. Et c'est une responsabilité solidaire de tous les États qui ont participé à l'opération spatiale, de lancement jusqu'à son exploitation. Donc, et cette responsabilité... Si on se prend un bout de satellite d'Ariane sur la tête, on peut porter plainte contre Ariane. On peut avoir une réparation qui est illimitée, sans avoir approuvé la preuve, sans avoir approuvé quoi que ce soit. Et ça, c'est une originalité du droit d'espace. Si on est encore vivant aussi. Bah, les héritiers, en général, c'est toujours les héritiers qui... Oui, c'est les héritiers. Donc, si on a, mais et ça, c'est une particularité, parce que même dans le droit nucléaire, qui est aussi un secteur de catastrophe, de haute technologie, il y a toujours... Ça repose, il y a des plafonnements, et ça repose... Il y a un partage entre l'opérateur et l'État. Là, c'est une responsabilité qui repose sur l'État en premier niveau. Donc, ce n'est pas forcément Ariane Espace qui va être le responsable. Dans un premier état, c'est l'État français qui pourrait être attaqué par le tout. Et ensuite, à charge de l'État français de se retourner contre Ariane Espace, sachant que l'État français, pour vous dire, il accepte de ne se retourner seulement pour une partie. C'est à cause de ces partenariats privés-publics, c'est... Non, ça, c'est ce que je vous dis là, c'est la loi spatiale. Et puis, c'est une conséquence des accords qu'on a avec l'agence spatiale sur Ariane Espace, voilà, entre autres. D'accord, merci. J'avais une autre question ici. Il va d'ailleurs y avoir un rapport avec ce qu'on vient de dire, mais je voulais parler d'un autre domaine qui est le tourisme spatial, disons. Puisque tout à l'heure, je me souviens d'un titre de livre qui était « Tous dans l'espace », je crois, ou quelque chose comme ça. Et, Demain, nous vivrons tous dans l'espace, voilà. Ouais. Voilà. C'est un livre que j'ai publié l'année dernière, oui. Alors justement, on entend régulièrement parler de ça. J'ai encore entendu, il n'y a pas si longtemps, c'est une rediff, je crois, de... comment il s'appelle, Philippe Stark, qui disait que dans quelques années, tout le monde pourra prendre une fusée pour aller dans l'espace, comme maintenant on prend l'Airbus pour aller à Londres. Alors j'ai des gros doutes. Alors, je suis le premier à avoir envie de voir la Terre d'en haut, parce que bien entendu, si on me disait, dis donc, il n'y a que deux personnes dans le Soyouz, il y a une place, est-ce que tu y vas? J'irais sans hésiter. Mais en même temps, je me rends parfaitement compte qu'il y a une différence de... à la fois de nature, de degré, d'échelle, entre faire voler un avion à 9000 mètres, 900 km/h, etc., et faire voler des gens dans l'espace. Mais réellement, je ne parle pas des petits vols ridicules où on va leur faire voir la Terre de 60 km de haut pendant 30 secondes, ce qui me paraît une arnaque. Mais envoyer vraiment des gens en masse dans l'espace, ça me paraît quand même quelque chose de très, très lointain. Et aussi bien au point de vue consommation d'énergie, pollution, danger, etc., je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus s'ils espèrent que pour leur anniversaire ou la communion du petit ou je ne sais pas quoi, ils pourront faire un week-end dans l'espace. Quand on pense qu'il y a 50 ans qu'on vole, Gagarine c'est 12 avril 61, donc oui, 51 ans presque, il y a eu environ 500 personnes qui ont volé. Je ne vois pas comment on pourrait en faire voler des millions, même des milliers, avant très très longtemps. Donc je ne sais pas quelle est votre avis. Question. Alors justement, est-ce que ça vous paraît réaliste, compte tenu de toutes les questions, donc je disais, de consommation énergétique, de pollution éventuelle, parce que 10 lancements par an, c'est négligeable. S'il y en avait 10 000 par an, on pourrait se poser des questions sur les effets qu'il y a. Et alors je raccroche avec ce que je disais juste avant, les questions de sécurité et de responsabilité, parce que si on commence à faire voler des milliers de gens, eh ben, il va y avoir des Titanic et des je sais pas quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour les opérateurs, les États qui les auront laissés faire, etc. Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Déjà, pour ce qui est ce qu'on a le tourisme spatial, que vous avez dit que les vols suborbitaux, c'était une arnaque. Le fait est que c'est bref. C'est un peu, ça va un peu plus haut que vous l'avez dit, c'est plutôt 100 km, ça dure quand même quelques minutes. Cela étant, je pense que oui, ceux qui vont la le faire... La phase d'apesanteur, c'est très court. Oui, oui, quelques minutes. Très franchement, en quelques minutes, on peut faire des choses qui vont être assez extraordinaires. Et je pense que vous avez, on s'est rassemblés sur allez, quelques heures, parce qu'il faut quand même se mettre son scaphandre, monter, il y a l'avion porteur et enfin il y a la fusée, une espèce de chandelle. Bon, c'est très franchement, je pense que les gens qui vont le faire, et certains vont le faire, je dirais à partir de 2014-2015, ça va être une expérience assez extraordinaire. Alors évidemment, c'est, mettons, 100 fois moins difficile techniquement que de mettre des personnes en orbite. Donc le tourisme orbital, il n'est pas tout à fait pour tout de suite, même si jusqu'à présent, il y a eu plus de touristes orbitaux que de touristes suborbitaux, puisqu'il y a un peu moins d'une dizaine de personnes qui ont payé leur voyage à bord de Soyouz à destination de stations orbitales, en particulier de la Station Spatiale Internationale, pour des vols d'une semaine. Bien, c'est... Mais là, je suis bien d'accord avec vous que ça ne va pas se faire très, très vite. Je voudrais aussi peut-être remettre une chose. Vous parlez de consommation d'énergie. Ça peut, le transport spatial est cher pour des tas de raisons, mais pas à cause de la consommation d'énergie. Aller dans l'espace, si vous calculez l'énergie nécessaire pour aller de la Terre jusqu'à une orbite proche de la Terre, vous constaterez qu'on dépense moins d'énergie pour faire cela qu'on en dépense pour la même masse hein, transportée pour aller de Paris à New York en avion. Donc c'est difficile pour des tas de raisons ou autres, mais pas la consommation en énergie. Vous parlez de la masse du lanceur ou de la masse des passagers, si vous considérez, de la charge utile. Si vous considérez l'énergie qu'il faut pour transporter un homme de la Terre jusque dans l'espace, ou pour transporter un passager de Paris à New York en avion, c'est le passager Paris à New York en avion qui coûte le plus cher en énergie. Mais une fois que vous êtes dans l'espace, en plus, vous consommez plus d'énergie. Après, puisque, oui. Mais même le transport, très franchement, c'est si vraiment on avait la chance que le transport spatial soit payé au prix de l'énergie qu'on consomme pour y aller, ça coûterait quasiment rien. Il y a des tas d'autres raisons liées au fait que les technologies dont on se sert, en particulier les moteurs fusées, sont des systèmes d'une complexité extrême qui coûtent extraordinairement cher, mais ce n'est pas l'énergie. La pollution, au stade actuel, c'est tout à fait, je dirais, négligeable, par exemple, par rapport à la pollution aérienne et encore plus la pollution des transports terrestres. En plus, on peut très bien... Il peut y avoir des problèmes spécifiques à une certaine altitude, mettons vers 50 km dans la stratosphère, effectivement, où il n'y a rien qui vole, il n'y a pas d'avion. Là, les rejets, où il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, les rejets d'une fusée peuvent poser problème, mais on peut choisir des trajectoires et des processus de montée qui limitent ça. Maintenant, je suis d'accord avec vous, surtout mais si on vole dites, à l'hydrogène, ça va pas très polluant, par non, exemple. Non, c'est... Enfin bon, même de l'eau proche... Même de l'eau en grande quantité dans la stratosphère, je pense qu'il vaudra mieux éviter le jour où on aura effectivement un trafic intense, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, vous dites bah, « ça ne va pas venir tout de suite ». Ben non, ça ne va pas venir tout de suite. Mais si vous regardez l'histoire du transport aérien, ça a peut-être été un peu plus vite, mais il faut quand même voir que pendant un certain nombre de décennies, le transport aérien s'est développé très très lentement, avec d'abord des démonstrations, puis ensuite des baptêmes de l'air, et puis ensuite des vols aériens qui étaient vraiment réservés aux plus riches parce que c'était très cher. Vous avez la première ligne Paris-Londres régulière, c'est juste après la guerre de 14, c'est 15 ans après le Fulbright. Mais à cette époque-là, à l'époque dont vous parlez, aux États-Unis par exemple, ce que faisaient les pilotes, c'est qu'ils allaient faire des démonstrations dans les villages, et on emmenait quelques personnes faire des baptêmes de l'air, et surtout, les gens allaient voir les pilotes dans des petits avions. Donc ça a mis un certain temps, et c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale qui a permis des progrès techniques extrêmement accélérés dans le domaine de l'aviation, qui a fait que le transport aérien a vraiment décollé, si je puis dire, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à peu près, mettons, bien 50 ans après les premiers vols, donc 1903. L'avion est devenu un moyen de transport de masse dans les années 70-80. Donc maintenant, est-ce que l'espace deviendra un transport de masse? Je pense que les décennies passant, ça deviendra de plus en plus facile, de moins en moins cher. On utilisera des systèmes qui pourront servir plusieurs fois, contrairement aux fusées dont on se sert aujourd'hui. Ça va être un processus progressif qui va effectivement demander des décennies. Et je ne pense pas effectivement que le transport spatial de masse, ça soit avant le siècle prochain. Mais il y aura des étapes intermédiaires. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme spatial, c'est une des premières étapes. Et puis, vous savez, le progrès, il est en accélération. Est-ce qu'on peut revenir peut-être plus précisément sur le sujet? Parce que c'est quand même un aspect économique qui est très important. C'est un aspect économique, mais par exemple, pour le tourisme, par rapport au tourisme spatial, on voit apparaître par exemple des compagnies peut-être privées qui vont proposer ces choses-là en termes de politique ou de droit. Qu'est-ce qui change avec ça? Questions posées, qui ont été posées sont bonnes. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes de sécurité, mais vous voyez bien avec l'accident qui vient d'avoir lieu avec un gros navire de croisière que ça se pose toujours pour le transport maritime. Ça se pose aussi pour le transport aérien. Il y a des accidents. Il y a des assurances. Dans le cas du tourisme spatial, aujourd'hui, la manière dont ça va être géré aux États-Unis, qui est le seul pays où ça existe, c'est que les personnes qui décideront de voler le feront à leur propre risque et prendront leurs propres assurances. Et les autorités américaines donneront une autorisation de service aux sociétés, ça ne sera même pas une certification, pour le faire. Mais je veux dire que si vous engagez là-dedans, vous direz, éventuellement vous trouverez une compagnie d'assurance qui vous assurera, mais vous le ferez, par exemple le gouvernement des États-Unis pour les vols qui ont lieu aux États-Unis ne va pas s'engager à garantir votre sécurité. Il va accorder une licence de vol. Ce sont des licences de services qui vont être accordées aux sociétés comme Virgin Galactic qui va le faire. Et vous accepterez vous-même de prendre ce risque. Ce n'est pas fondamentalement différent du risque que vous prenez si vous faites de la plongée en mer ou si vous voulez gravir l'Everest. Il y a un risque personnel qui est accepté, qui est associé à une activité qui est quand même de certains côtés extrêmes. Cela étant, franchement, a priori, un vol suborbital ne sera pas beaucoup plus risqué qu'un vol avec un petit avion de tourisme. Si je puis me permettre, peut-être Philippe, vous avez peut-être envie de réagir par rapport à ça, mais c'est un petit peu ce que vous disiez aussi, à chaque situation, on trouve des solutions juridiques, etc. Quand vous parliez de l'avion qui s'est développé, moi je pensais justement au même moment, je pensais à la voiture, au fur et à mesure on a construit des routes, on a créé un code de la route, des lois, etc. Il y a de plus en plus de voitures, on continue à faire évoluer les lois, etc. Donc après, pour l'avion c'est pareil, pour le bateau c'est pareil, donc on peut imaginer que le jour où on fera des vols suborbitaux ou dans l'espace, que ça sera libre et possible pour tout à chacun de faire ça, par contre on mettra en place les outils, les réglementations, etc. nécessaires pour que ça se passe. Enfin, Nous sommes encore dans un cadre expérimental, on est très loin. Activités émergentes, et c'est vrai qu'on retrouve la même préoccupation pour toutes les activités comme l'aéronautique ou autres. On travaille sur l'acceptation du risque, comme les activités sportives à risque, les explorateurs, tout ça. On part du principe où justement les pionniers sont toujours prennent les risques et les acceptent. Si on veut avoir un modèle économique, il faut sortir de cette notion d'acceptation du risque. Et d'ailleurs, elle est déjà un peu contestée. Mais actuellement, c'est vrai que l'un des problèmes aussi qu'on a avec les projets actuels, c'est que c'est surtout des VIP qui veulent participer, parce que c'est les seuls qui ont assez d'argent pour le faire. Et ces VIP... Ils ne savent pas quoi en faire. Dans le showbiz, tout ça. On va voler dans l'espace. Mais ils coûtent très cher. Ils coûtent très cher à assurer, parce qu'ils ont des entreprises, c'est souvent des PDG, ou si c'est des gens du show business, ils ont des engagements, des concerts, des choses comme ça. Et donc, ils sont très chers à assurer. Et du coup, il y a peu de compagnies d'assurance. Là, il y a un problème au niveau du marché de l'assurance qui est déjà beaucoup sollicité sur des activités beaucoup plus utiles à la société, si je puis dire. Donc là, il y a déjà un premier écueil. Bon, sautons. Et effectivement, les Américains, dans leur système, c'est les premiers, ils ont un système basé sur l'acceptation du risque. Ils vous donnent un permis. Ce n'est pas une autorisation ou une licence, c'est permis. Et le gouvernement s'assure seulement que vous avez eu un consentement éclairé. Mais sur cette là, je vais vous dire pourquoi ça peut pas marcher à long terme, puisque après, si on veut généraliser ça, on passe dans le droit des transports. Et le droit des transports, il y a le transport du fret, hein, qui a ses règles, où on peut accepter des clauses de non-recours, mais le transport humain, c'est d'ordre public dans toutes les conventions internationales, c'est que un transporteur doit garantir la vie. Enfin, on n'est pas censé, quand on prend l'avion, c'est pas un jeu, c'est pas aléatoire, c'est qu'on ne s'attend pas à mourir, c'est l'exception de mourir. Donc, si ça arrive, on doit être indemnisé. On est basé sur des obligations de résultat et on ne peut pas déroger à cette ordre public. Et donc, c'est là qu'on on changera le système juridique. Et on a aussi une difficulté par rapport à ce tourisme spatial, c'est qu'on a la marge entre le droit aérien et le droit de l'espace. Et le droit aérien, il est bien structuré pour des activités des États, pour tout ce qui est des objets, responsabilité sur des objets. Soit les objets tombent au sol, pour des tiers, vis-à-vis des tiers, mais il n'est pas adapté aux passagers, puisque au début de la conquête spatiale, les passagers, c'était des cosmonautes, et c'était des militaires, c'était des gens gouvernement, des fonctionnaires. Et donc, en fait, c'était leur statut qui guidait le régime de responsabilité, comme les gens qu'on envoie à la guerre. Effectivement, il y a un risque, donc ils l'acceptent, ça faisait partie du métier. C'est pour ça que c'est beaucoup des militaires qui, au départ, avaient cette activité. Mais là, le droit spatial n'a pas vraiment prévu, mais si on passe à une généralisation, il faudra s'intéresser à mettre ça sous le droit des transports et plutôt sous le droit aérien. Alors, je voulais juste demander peut-être une petite chose. On a parlé de politique, de droit, etc. En termes économiques, quel est l'enjeu d'aller en espace ? Est-ce que c'est parce que ça coûte extrêmement cher ? Ça demande beaucoup de force, de force en vigueur, etc. Est-ce que ça a réellement des retombées économiques tellement extraordinaires que ça vaut le coup, justement, de développer des programmes onéreux ? Ça, je crois que le retour sur l'investissement, pour ce qui est du spatial, est colossal. A été colossal, déjà, je vous le disais simplement, l'impact sur la vie internationale a été considérable et a été dans le sens de la paix, ce qui est quand même un bénéfice tout à fait appréciable dont nous profitons tous. Et puis ensuite, les activités, par exemple, quand vous prenez un système de navigation par satellite comme Galileo, vous avez dedans, vous avez la fabrication du lanceur, vous avez les opérations de lancement, vous avez la fabrication des satellites. Mais c'est pas ça qui représente tous les gens qui vont s'en servir. Non, c'est effectivement le service qui va être fourni, qui va permettre aux gens de mieux se déplacer, qui va avoir toute une série de, et puis même il va avoir toute une série de services payants. Par exemple, eh bien avec des systèmes de navigation par satellite, vous pouvez très bien instituer des espèces de péages universels dans lesquels, en fonction de l'heure justement, à laquelle on vient peut-être quasiment politique. Enfin, c'est il y a une idée de contrôle derrière. Si vous voulez, vous avez, allez, par exemple, Typiquement, dans le domaine des applications d'espace, essentiellement les télécommunications et la navigation, allez, je dirais que la fabrication des satellites, ça représente peut-être 10 milliards d'euros dans le monde. La fabrication des lanceurs, c'est plutôt 3 milliards d'euros. On dit que ce n'est pas énorme. Mais les services qui sont rendus, que ce soit la télévision, que ce soit la navigation, eh bien, les services vraiment commerciaux, hein, ça représente nettement plus de 100 milliards d'euros. Et on pense, par exemple, que Galileo aura aussi un impact économique. Là, vous avez les impacts directs, les impacts indirects, mais c'est considérable. Le bénéfice que représentent les services fournis par des satellites, c'est 10 fois le prix des lanceurs et du satellite lui-même. C'est considérable et ça n'arrête pas d'augmenter. La télévision par satellite, d'abord ça a été quelques dizaines de chaînes analogiques, puis on est passé au digital, des centaines de chaînes. On passe à la haute définition, on va passer au 3D, on passera à la super haute définition, et à chaque fois le satellite a un énorme avantage, c'est que toutes les tuyaux terrestres, les câbles, etc., ils sont en général utilisés au maximum de leurs possibilités. Quand on change de génération technique, il faut les changer. En revanche, le satellite, ça va très très vite à faire, parce que le satellite, c'est une infrastructure légère, hein. C'est un objet dans le ciel, on le construit, ça prend 2-3 ans, on le lance, et après on diffuse et on reçoit avec une petite antenne, ça peut aller très vite. Donc et vous avez là un marché gigantesque qui est en train de croître pour ce qui est de la télévision par satellite dans le monde. Ça, c'est clair. Par ailleurs, même Internet, l'essentiel d'Internet, vous l'avez, c'est plutôt par les lignes téléphoniques ou par le câble. Mais il y a quand même la plus grande partie du monde dans laquelle il n'y a pas des prises de téléphone ou des prises de câble dans les maisons. Et vous pouvez fournir de l'Internet de qualité partout dans le monde avec les satellites. Il y a une chose qui est absolument fondamentale et qui différencie beaucoup les satellites de toute autre infrastructure de fournisseurs de services, c'est leur caractère global. Depuis l'espace, avec les satellites d'observation, vous ne surveillez pas un morceau, hein, vous surveillez toute la planète. Hein. Avec les satellites de télécommunication, vous n'allez pas fournir une ville ou un village, vous allez fournir un continent. Hein, et puis, c'est l'espace, il y a ce côté global qui est absolument unique. Et c'est grâce à ce côté global que l'espace a permis l'avènement du village global, hein, de télécommunication, la surveillance globale de l'environnement. Hein. Ça surprend plus personne, mais quand tous les soirs vous voyez les images de la météorologie à la télévision, vous avez là des satellites qui sont à 36 000 km et qui photographie en permanence ce qui se passe dans la couche nuageuse et l'atmosphère d'un continent. L'espace, c'est global. C'est quelque chose et ça représente, au niveau économique, des revenus considérables pour les opérateurs. Hein. Les grands opérateurs de télécommunications sont des sociétés qui sont extrêmement bien valorisées maintenant. Elles ont été privatisées. Vous avez un grand mouvement de privatisation générale des services de télécom, les satellites ont suivi, et les sociétés comme Eutelsat en Europe, Intelsat dans le monde au niveau global, sont des sociétés qui sont valorisées à un niveau très très élevé. Donc non, l'impact économique est très important, il est même encore plus important que simplement les chiffres le donnent, parce que vous accédez à des capacités qui seraient impossibles sans les satellites. Directement. Christophe, vous vouliez, je vous ai coupé, je m'excuse avant. Non, mais en fait, je veux juste compléter aussi ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais peut-être que c'est aussi un peu un des désavantages du spatial. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que quand on parle du spatial, il y a des sommes faramineuses qui sont en jeu. Les satellites, ça coûte cher. Pourquoi lancer une station spatiale internationale qui coûte plusieurs milliards? On a d'autres choses à faire avec l'argent. Alors qu'en fait, quand on regarde les chiffres bruts, c'est un secteur qui est vraiment minuscule par rapport à d'autres secteurs d'activité. Hein. Je sais pas, on prend l'automobile par exemple. Je crois que le spatial, c'est 35-40 000 emplois en Europe. L'automobile, 12 millions. C'est moins que ça même. Donc vous voyez, le lien avec d'autres secteurs économiques est vraiment important à mettre en avant. Et d'un autre côté, les bénéfices indirects sont immenses, comme vous disiez. Mais le problème du bénéfice indirect, c'est que par essence, c'est intangible. Comment vous voulez expliquer à quelqu'un qu'avec un satellite d'observation de la Terre, il peut, par exemple, mieux gérer les catastrophes naturelles, mieux se préparer aux catastrophes naturelles et donc économiser des centaines, voire des millions d'euros en prévision de catastrophes naturelles. Sur le long terme. Voilà, sur le long terme. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à faire passer comme idée. Donc ça, je pense que c'est important de mettre l'accent vraiment sur les bénéfices intangibles. Ensuite, une autre chose, pour revenir un peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le tourisme spatial et la nécessité d'établir des règles, vous avez évoqué la notion de code de la route. Et en fait, vous ne croyez pas si bien dire, parce que c'est une notion qui est en train de prendre, un concept qui est en train de prendre une importance croissante dans le spatial, parce qu'une des questions fondamentales pour l'avenir de l'utilisation de l'espace, c'est la question de la durabilité de l'utilisation spatiale. Puisque, notamment en raison du problème des débris spatiaux qui se multiplient, la durabilité de l'utilisation spatiale est en danger. C'est-à-dire que si on continue à accumuler des débris spatiaux qui proviennent de morceaux de fusées, qui proviennent de satellites qui ne sont plus en service mais qui sont encore en orbite, on risque de rendre certaines orbites inutilisables. Et je crois que vous avez tous compris ce soir l'importance cruciale des satellites dans la vie quotidienne. Si on ne peut plus utiliser les orbites, et ben, tout ça tombe à l'eau. Donc il faut établir une réglementation globale, générale, d'utilisation de l'espace, qui prendrait en compte les intérêts commerciaux, les intérêts civils, les intérêts militaires aussi, qui établirait un certain nombre de règles de passage, de règles de transparence, de règles d'information sur la nature des objets qui sont en orbite. Et l'enjeu est vraiment énorme, parce que l'enjeu, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à utiliser l'espace de manière, je dirais, concertée entre les différentes nations, ou est-ce qu'on se dirige vers un espace poubelle qui plongerait la Terre, en l'occurrence, dans une situation dramatique par rapport à ce qu'il y a avant. Donc c'est vraiment un enjeu crucial. D'autres questions, des remarques? Ici. Alors madame d'abord, honneur aux dames. Bonsoir. Alors deux questions. Une première petite question pratique. Quand allons-nous enfin pouvoir utiliser Galileo à la place du GPS américain? Mais ceci dit, vous m'avez un petit peu inquiété là avec votre remarque sur le péage universel. Et une question plus politique. Savez-vous si parmi nos candidats à la présidentielle, certains ont un avis un petit peu original, une position sur la politique spatiale? Merci. Galileo, c'est 2015. Bon. Et c'est demain. Je modifierai votre phrase, ça ne sera pas à la place. Les systèmes sont ce qu'on appelle interopérables, c'est-à-dire que, à la limite, vous ne saurez pas, sauf si vous avez besoin de services particuliers qui nécessiteront des caractéristiques elles aussi particulières, par exemple du système Galileo, vous ne saurez pas vraiment si votre système, le récepteur que vous avez dans votre voiture, eh bien, utilise GPS ou bien Galileo ou bien éventuellement le système russe GLONASS ou ainsi plus tard un système chinois. En réalité, plus vous avez de satellites en visibilité, plus vous avez un service robuste. Bien, donc Galileo européen viendra non pas se substituer mais compléter, renforcer tout ce qu'on peut déjà faire avec GPS. Vous disiez que vous inquiétiez du péage universel. Non, à partir du moment où vous savez, vous êtes capable de localiser une voiture sur une route et vous avez envie de moduler la circulation, faire payer plus cher à certaines heures ou d'autres, faire payer même les parkings, vous avez quand même à Londres un système qui fait payer les utilisateurs automobiles du centre de Londres, qui n'est pas basé sur des satellites, mais vous pourriez le faire avec des satellites, en particulier avec Galileo, parce que Galileo est plus puissant que GPS. GPS dans les villes, ce n'est pas toujours parfait. Maintenant, oui, votre autre question, c'était... Sur la politique spatiale. Oh, écoutez, je dirais que pratiquement tous les présidents de la République française, à un moment ou à un autre, se sont prononcés, ont pris des décisions significatives en matière de politique spatiale. Donc le président actuel, M. Sarkozy, a effectivement pris certaines positions en matière spatiale, parce que pour ce qui est des programmes d'exploration, de la coopération internationale ou des futurs développements en matière de lanceurs. Mais je dirais que malgré tout, dans un débat politique aujourd'hui, et je suis le premier à le regretter, l'espace n'occupe pas une très grande importance, et même dans le pays qui est de très loin le pays qui dépense le plus dans le secteur spatial sur le plan étatique, ce sont les États-Unis, l'espace n'est pas au premier plan des préoccupations. Il l'est venu un petit peu, parce qu'aux États-Unis, l'espace concerne des États qui sont politiquement très importants, la Floride, le Texas, l'Alabama, la Californie. Mais c'est vraiment marginal. Il y a eu un candidat à l'investiture quand même récemment qui a dit « oui, on ira sur la Lune en 2020 ». Newt Gingrich, enfin, mais très franchement, personne ne prend ça vraiment au sérieux. Je dirais qu'on n'est plus au temps où le président Kennedy a fait une décision absolument majeure pour son pays sur le plan politique en décidant que les Américains enverront des hommes sur la Lune. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, l'espace est une activité très importante, mais pas suffisamment pour avoir, pour disons, être un enjeu des programmes politiques comme dans la campagne à laquelle nous assistons maintenant ou à la campagne qui a lieu aux États-Unis. D'une certaine manière, l'espace s'est un peu banalisé, mais un peu tout ce qu'on a essayé de vous raconter ce soir, c'est montrer que même si l'espace n'a plus cette espèce d'aura qu'il pouvait avoir au temps d'Apollo, il n'avait pas le même rayonnement, eh bien, l'espace reste une activité extrêmement importante, mais pas suffisamment tout de même pour apparaître de manière significative dans l'espace du débat politique, du débat assez politicien. Après, malgré tout, eh bien, les pouvoirs publics s'en occupent, les parlements, l'Union européenne, on l'a dit, l'Agence spatiale européenne a fait l'objet de son propre traité, qui est ratifié par tous ses États membres. C'est quelque chose qui existe, qui est significatif, mais pas suffisamment pour déplacer des voix dans les grandes élections. Il y a des choses plus importantes, on va dire, aujourd'hui. J'en ai marre de la France. Déjà ? Je veux un voyage total. Demain, je pars en vacances, en vol suborbital. Je suis moins starisé que Julien Rastegard. Je pourrais donc m'assurer à moi le grand départ. Et si une fois là-haut, un boulon mal vissé, un joint un peu trop chaud fait fondre ma fusée, j'aurais pris un billet, aller sans le retour, et là-haut je danserai jusqu'à la fin des jours. Monsieur. Oui, vous avez commencé à répondre à ma question. Parce que jusqu'à maintenant, on parlait de conséquences terrestres, donc d'objectifs terrestres, voire même sa proche banlieue. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les politiques sur la conquête spatiale, ce qui reste encore à découvrir, c'est-à-dire toute l'immensité. Et donc, quels sont les projets qu'il peut y avoir, quelle coordination qu'il peut y avoir, et qui a une vision, ou est-ce qu'il y a une vision sur l'avenir, sur une conquête beaucoup plus générale que des répercussions financières? Je voudrais juste répondre et puis après je passerai la parole à Alain. Pour rappeler aussi la place de l'espace dans le politique, bon certes, il n'y a pas beaucoup de médiatisation autour de ça, mais il faut reconnaître, et je vais être très politiquement correct, que nous avons toujours été soutenus, mais très fort, par les différents gouvernements. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas lieu à un débat, puisqu'il y a toujours eu un consensus. Chaque président maintient le budget spatial, développe, et ça depuis 1961, le CNES a été créé par le général de Gaulle, enfin sous l'impulsion, et il a intervenu. Et donc, le politique, il y a un consensus, et chaque nouveau ministre, en général, se prend à son jeu sur le ministre de l'Espace, et il le fait très bien. Alors, il faut aussi noter que le déficit du politique, il est peut-être dû aussi à l'action des agences spatiales. C'est que c'est un secteur dont l'activité, les programmes, la vision, elle germe dans les agences, hein, qui structurent les besoins scientifiques, enfin l'état de la technique, et c'est les agences qui proposent un ensemble cohérent de programmes, mais qui doit constituer une politique spatiale. Et c'est vrai qu'il y a, là, je vous le conçois, il y a un certain déficit démocratique, puisque le politique souvent endosse mais n'est pas actif. Et puis c'est peut-être notre fonctionnement aussi constitutionnel qui fait que le Parlement a peu d'initiative. Ça reste dans l'exécutif et la fonction exécutive, finalement, elle est déléguée aux agences. Le CNES, en tout cas, c'est quand, à la lecture de ses statuts et de son histoire, on s'aperçoit qu'il est l'aimant. Alors, on peut critiquer, mais c'est un fait que la politique, finalement, spatiale, elle est souvent très largement structurée par l'action du CNES. Parce que je pense que ce que vous vouliez aborder, c'était la question des grands programmes du futur. Je voudrais dire qu'effectivement, au moment d'Apollo, eh bien, le grand public dans le monde entier, hein, d'une certaine manière, la NASA à cette époque était un peu l'agence spatiale, représentait un peu le monde entier, c'est-à-dire l'humanité dans son... Dans cette expansion vers l'espace qui s'était produite à une vitesse absolument stupéfiante et complètement inattendue. Et puis, on espérait, il y avait des espoirs en 1969 que l'homme s'installe sur la Lune et puis prenne la route de Mars, etc. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu un épisode, hélas... que je dirais qui est vraiment assez dramatique, qui a été finalement le fait que les États-Unis sont revenus près de la Terre avec la navette. Le problème de la navette a commencé, il est maintenant déjà fini, et entre-temps, il y a eu quand même deux graves accidents. C'était manifestement pas une bonne voie. Mais il y a eu une certaine frustration, en particulier dans la jeunesse, que, eh bien, en l'an 2012, c'est-à-dire 11 ans après le film, célèbre film 2001, Une Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, hein, eh bien, on soit toujours à peu près au même stade, qu'il n'y ait pas d'homme sur la Lune, il n'y ait pas d'homme sur Mars, et il n'y a pas de vrai projet. Je dirais que c'est un peu normal parce que l'homme a été aussi vite sur la Lune à cause d'une compétition géopolitique absolument majeure. C'était vraiment le destin de l'humanité qui était en jeu. Les deux puissances ont mis des moyens colossaux pour le faire, mais ensuite l'espace a pris un peu ce qu'on pourrait considérer une place normale dans la société. C'est pas négligeable, mais c'est pas non plus un budget considérable. La NASA à un moment a été la plus grosse agence américaine en recherche, et puis maintenant c'est la plus petite pratiquement, bien loin derrière la santé ou la science. Mais donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les budgets que l'on a en Europe, au Japon, au Canada, en Russie et puis aux États-Unis, avec toujours la NASA qui, malgré tout, en dépit de cet épisode de la navette, reste quand même l'agence la plus avancée au monde. Il y a quand même cette station spatiale internationale qu'on a construite tous ensemble. Et d'une certaine manière, c'est peut-être cette station qui montre un peu l'avenir. Il y a une chose qu'il faut bien se rendre compte. Autant l'Apollo, du temps d'Apollo, c'était une compétition, autant l'exploration de l'espace par des États, eh bien, se fait déjà en coopération, que ce soit pour les programmes scientifiques, que ce soit pour les vols habités, et ça se fera à un rythme qui est celui permis par les budgets qu'il y a actuellement. On ne peut pas attendre, en particulier dans la période que l'on connaît aujourd'hui, une augmentation des budgets spatiaux. Ce qui est déjà assez remarquable, c'est que les budgets spatiaux partout dans le monde restent stables, en dépit de la crise. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, les budgets spatiaux restent stables. Alors, fort heureusement, en même temps, la technologie progresse énormément. Donc, je pense qu'avec les mêmes budgets, on pourra faire de plus en plus de choses et de plus en plus vite. Donc je crois effectivement que les prochaines étapes, pour ce qui est des vols habités, c'est le retour sur la Lune des Américains et le voyage sur la Lune de ceux qui les accompagneront, en particulier les Européens. Puis derrière, il y a ce grand objectif qui est la conquête de Mars. Et avant cela, il y aura beaucoup d'expériences robotiques sur Mars essentielles. Parce que malgré tout, si vous vous placez sur le plan de ce que les États cherche avec les programmes habités et les programmes scientifiques. C'est quand même de répondre à des questions fondamentales, en particulier l'origine de la vie ailleurs, l'évolution du système solaire. C'est vraiment les questions philosophiques fondamentales. Et ça, ça se fera eh bien, avec les budgets actuels et en coopération internationale, et une coopération internationale qui va s'élargir. La station spatiale internationale, ce sont les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Canada et la Russie. Je pense que dans les programmes futurs d'exploration de la Lune et au-delà de Mars, vous aurez l'Inde, vous aurez la Chine, bien sûr. Si la Chine accepte de rentrer dans le jeu, pour l'instant, elle a un jeu assez personnel, je dirais. Mais vous aurez le Brésil, vous aurez l'Argentine, vous aurez d'autres puissances émergentes. Il y aura de plus en plus de pays qui vont s'associer pour ce qui est malgré tout une grande quête de l'humanité à la recherche de, non pas ses origines, mais de la compréhension de ce qu'elle est et de ses, plus généralement de ce qu'est la vie. L'espace, c'est vrai, les satellites, les sondes spatiales, les observatoires, c'est vraiment le moyen de répondre à ça. Tous ensemble. Oui, mais à part ça, vous pouvez avoir autre chose. L'espace, on l'a vu, ça a une grande valeur économique déjà. Aujourd'hui, cette valeur économique, elle se traduit essentiellement dans le domaine de l'information. On prend des photos, on prend des images et on transmet des signaux. Hein, c'est vraiment, c'est facile parce que l'information, ça n'a pas de masse. Et donc, le coût du transfert de l'information à travers l'espace est très raisonnable. Mais demain, vous pouvez, par exemple, construire de grandes centrales solaires dans l'espace pour fournir de l'énergie à la Terre. Et là, vous changeriez complètement de niveau. Vous passeriez à peu près, regardez un peu ce qu'est l'industrie dans le domaine de l'énergie, avec ces énormes efforts d'exploration, justement, de recherche de ressources, de construction de plateformes d'extraction. C'est gigantesque. Les investissements dans le monde de l'énergie, d'ici 2030, je crois que ça va être 3 000 milliards d'euros. C'est gigantesque. Si, par exemple, on trouvait des choses économiques à faire dans l'espace, comme de capter l'énergie dans l'espace et la transmettre sur la Terre, ou de trouver des solutions utilisant des moyens spatiaux, par exemple, pour compenser le réchauffement de la planète, des choses comme ça. Là, je crois que l'imagination est la limite. On peut se laisser vous auriez, ça ne serait plus simplement le budget des agences. Hein. Ça ne serait plus simplement le budget des agences. Ça ne serait plus simplement la coopération internationale pour savoir plus de choses, pour découvrir plus de choses. Ça serait une activité économique qui pourrait devenir beaucoup, beaucoup plus importante. À concernant le soleil, en tout cas... Au niveau du droit, c'est simple, on ne peut pas planter de drapeau. Il n'y a pas de problème. Non, mais vous pouvez capter l'énergie solaire et la retransmettre dans l'espace. Ça sera autre chose. Voilà. Je vais prendre une question, si vous me permettez, Alain. Voilà, ici. De ce côté-là. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question qui rejoint un peu ce que vous dites sur l'énergie. C'est-à-dire que l'espace, bon, pour l'instant, c'est un domaine assez inviolable, assez vierge encore pour l'instant, où il y a une coopération internationale. Si dans un avenir plus ou moins proche, donc il y a par exemple la question d'énergie ou même une autre question industrielle, je ne saurais pas dire laquelle, c'est plus vous qui pourriez même répondre, quelles seraient après les conséquences d'un point de vue politique, économique et stratégique, parce que bon, quand on voit un peu ce que peut donner par exemple les guerres du Golfe par rapport au pétrole ou... ce genre de choses, qu'est-ce que ça pourrait donner après au niveau spatial? Bon, là, je vais peut-être... On va se foutre tous sur la gueule, hein. Ça va terminer comme ça, hein. C'est clair. Hein. Je ne crois pas, fort heureusement, parce que l'espace est infini. Et les ressources qu'il y a dans l'espace sont des ressources auxquelles tout le monde pourrait accéder. Et donc, vous pouvez quand même imaginer... le développement d'une activité économique importante, au-delà de... Vous regardez, pour les télécommunications, pour l'observation de la Terre, il n'y a pas de conflit. Il y a des concurrences entre sociétés, entre opérateurs, mais c'est du domaine de l'activité économique normale. Si vous êtes dans le domaine de l'énergie, ce sera la même chose. Vous aurez des sociétés qui pourront d'ailleurs être éventuellement les sociétés actuelles qui font... qui travaillent dans le domaine de l'énergie, que ce soit de l'électricité, du pétrole, du gaz ou du nucléaire, qui pourraient très bien investir dans des systèmes spatiaux. Vous aurez un domaine économique. Alors là, l'autre question, c'est effectivement, pour l'instant, eh bien, on est dans ce que Philippe disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le drapeau, c'est-à-dire l'objet spatial. Eh bien, il sera français ou il sera européen ou il sera chinois ou il sera américain. Mais il y a suffisamment de place pour qu'il y ait des installations industrielles dans l'espace appartenant aux différents pays. Et si, et je pense que le droit qui s'appliquera, ben ça sera le droit des entreprises, le droit des affaires. Et mais s'il n'y avait qu'un seul drapeau pour tous les êtres humains, ce ne serait pas plus simple quand même? Il y a eu des réflexions sur l'Agence mondiale de l'espace, mais ça n'a pas abouti. Ce n'est pas faisable. Non. Mais bon, là, effectivement. On ne peut pas s'entendre tous ensemble. Non, mais. Pas possible. Deux choses d'une, soit la ressource est illimitée, et comme le disait Alain, on arrivera toujours à satisfaire tout le monde. Hein, tant que l'utilisation de l'un ne prive pas celle de l'autre, on peut développer des modèles économiques. La question se pose pour les ressources limitées. Alors, les ressources limitées identifiées, il y a l'orbite géostationnaire, parce que ça peut être un arc fictif, enfin, qui n'est pas représenté par une frontière. Quoi. Les fréquences et les places sont de plus en plus chères et on était sous un système du premier venu et du coup ça commence un peu de tension, mais en fait on ne le règle pas par le droit de l'espace, assez paradoxalement on le règle par le droit des télécommunications et de l'accès aux fréquences. Et c'est à l'UIT, finalement, c'est pas au CUPIA, selon son sigle anglais, que l'on traite ces questions-là, c'est à travers l'UIT. L'autre ressource limitée, c'est les points de Lagrange, c'est ce point là entre la Lune et la Terre où on... Bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'applications. L'attraction gravitationnelle qui est nulle, en fait. Voilà. Et alors ensuite, là, je parle de indépendamment des positions orbitales, vous avez les corps célestes, la Lune, hein, si on trouvait de l'hélium-3 ou n'importe quoi, des minerais, des métaux, ou Mars, là la question, alors ça n'a pas été réglé, puisqu'il y a eu un échec du traité de la Lune qui prévoyait, dans ce cas-là, le recours à donc, l'interdiction de s'approprier, et l'obligation de se concerter dans le cadre de l'ONU pour trouver un régime international, sachant que ce serait le secrétaire général de l'ONU qui arbitrerait. Donc voilà, on pouvait avoir des concessions, mais limitées, mais sous un drapeau international, là, effectivement. Mais ce traité n'a pas été très peu signé par la France, mais qui ne l'a pas ratifié. Il n'y a que 10 signataires. Et bien évidemment, l'URSS, enfin à l'époque, les États-Unis et la Chine ont refusé de le ratifier. Parce qu'ils ont des arrière-pensées, effectivement. Mais il y a d'autres modèles. Après, encore même que l'on trouverait des ressources sur la Lune, il y a quand même de la place. On peut imaginer, on était quelques chercheurs, juristes à avoir travaillé là-dessus dans un cadre international. On a essayé de retrouver les statuts de la Compagnie des Indes, par exemple. C'est intéressant parce que là, vous aviez aussi un premier partenariat public-privé entre des financements institutionnels par le roi et puis un vrai financement privé avec des sociétés en commandite, enfin des montages juridiques très très intéressants. Hein, éclairage historique qui vous permet. Donc il y a des solutions, je veux dire, prévoir le futur, c'est aussi s'intéresser, enfin juridiquement, au schéma déjà qu'on a, puisqu'on ne fait que l'exploration, donc le droit de tout ce qui s'est fait à la Renaissance, on peut le transposer assez facilement. C'est peut-être l'exploration, hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a encore des questions, une ou deux questions, parce que l'heure tourne. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. On en a une ici. Une toute courte, allez. Oui, tout à l'heure, on parlait de la coopération internationale, moins la Chine pour le moment. Alors, est-ce que la Chine a intérêt à rejoindre le peloton, quitte à être un peu l'élève attardé du groupe, enfin perçu comme pendant un certain temps, ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est l'image qu'elle pourrait donner par rapport aux États-Unis, par exemple, ou est-ce qu'elle chercherait plutôt à faire cavalier seul, comme on dit, et essayer de doubler les autres discrètement, ce qui fait que si un jour on s'aperçoit qu'il y a un Chinois qui part vers la Lune, ça pourrait d'un seul coup réveiller les Américains qui diraient « Mais au fait, il ne faudrait pas qu'on s'endorme. » Vous pouvez... Ouais. Le problème de la Chine n'est pas seulement un problème spatial. Hein. La Chine est une superpuissance en devenir et elle a des stratégies qui, dans tous les domaines, ne sont pas des stratégies de coopération. Ce ne sont pas non plus des stratégies de confrontation, mais c'est, je dirais, des stratégies de véritable autonomie. Alors, cela étant, vous dites, est-ce que ça pourrait, par exemple, on sait très bien que les Chinois ont l'intention d'envoyer un jour des hommes sur la Lune. On sait à peu près même quand, vers 2030, probablement un peu avant. Est-ce que ça va réveiller les Américains? La tendance des Américains est de dire, écoutez, ils vont sur la Lune, mais nous, on y était en 69. Il y a 50 ans, voilà. Alors, s'ils y vont en 2030, ça fait quand même 60, ça fera 60 ans qu'on y a été. Donc, c'est pas si grandiose que ça. Maintenant, Est-ce que la Chine pourrait rejoindre, par exemple, la Station spatiale internationale ou un programme international, par exemple, de préparer un voyage d'hommes sur Mars, par exemple? La question n'est pas purement spatiale. C'est dans quelle mesure la Chine est prête à apparaître comme un partenaire et pas comme une entité qui a sa propre volonté autonome de faire un certain nombre de choses. Pour l'instant, en matière de vols habités, il est clair que la Chine veut aller sur son propre chemin. Vous savez, il y a eu quand même un événement fondamental dans le domaine spatial. Ça s'est passé juste après la chute de l'URSS, quand la Station spatiale internationale, qui était une entreprise occidentale, qui était largement orientée, non pas contre, mais en compétition avec l'Union soviétique, en 1993, donc 2 ans après la chute de l'Union soviétique, la Russie, héritière spatiale de l'Union soviétique, a été invitée à rejoindre le programme de Station spatiale internationale et l'a accepté. Les choses peuvent évoluer, mais elle ne l'a pas accepté pour une raison purement spatiale, elle l'a accepté parce que la Russie souhaitait revenir dans le concert habituel des nations. Elle est d'ailleurs revenue dans bien d'autres domaines que le domaine de l'espace, mais ça a été un changement fondamental. Aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir parce que le seul moyen d'accès à la Station spatiale internationale après le retrait de la navette, aujourd'hui, c'est Soyouz. Bon, russe, mais politiquement, ça a été vraiment un tournant. Alors, est-ce que la Chine adoptera un jour une attitude comme celle-là? Tout dépend de la manière dont évoluera la relation entre les États-Unis et la Chine au cours de ce siècle, au cours des prochaines décennies. Une chose qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a une chose qui est frappante, c'est que la Chine n'est pas un pays pressé. La Chine a un programme de spatial habité qui n'est pas manifestement dans un esprit de course. Ils font leurs étapes tranquillement les unes après les autres. Et on parle aujourd'hui qu'ils seront sur la Lune, effectivement, dans, mettons, 20 ans. Bah, c'est pas Apollo, mais ils y vont tranquillement. Donc c'est un pays qui a le temps. Et d'ailleurs, culturellement, c'est un pays qui a conscience que sa culture est extrêmement ancienne, que la domination occidentale au XXe siècle et au début du XXIe siècle n'est de son point de vue qu'un accident de l'histoire et que l'avenir lui appartient. Et les Chinois n'avancent pas. Les Chinois, c'est certainement pas un pays aventuriste. C'est certainement pas un pays qui a... c'est pas un pays qui a colonisé comme nous. Hein. Vous savez qu'il y a eu une époque où, effectivement, ils ont arrêté toutes leurs expéditions maritimes. Ils ont plié largement sur eux-mêmes. Mais c'est un état de vieille culture. C'est une autre culture. Et ils vont dans l'espace à leur rythme, mais d'une manière indépendante. Ce qui n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde, je pense, rejoindra complètement les activités que l'on conduit, nous, avec les Américains, les Russes, les Japonais. Et je pense qu'effectivement que le Brésil ou l'Argentine et toutes les puissances émergentes vont aller ensemble. Mais la Chine est un cas unique et c'est aussi un cas culturellement unique. Ah, ça sera pour une prochaine soirée, peut-être. On en parlera plus tard. Pour terminer, peut-être en 2-3 mots, comment vous voyez, vous, le futur? Est-ce que une nouvelle guerre des étoiles, des armes de destruction massive? Comment vous vous imaginez, justement? C'est toujours difficile de prévoir ce qui va arriver dans les futurs. Personnellement, Avec votre analyse politique des choses. Modérément optimiste, dans la mesure où, comme je le disais au début, l'espace, c'est le reflet des politiques terrestres. Et donc, on se tape dessus ici, on va se taper dessus là-haut, quoi. Je suis pas certain qu'il y ait une inéluctabilité à ce qu'on se tape dessus en haut, mais si vous voulez, ça va être comme sur Terre, en fait. Ça va être lié aux intérêts du moment, ça va être lié aux puissances qui s'affrontent sur le moment, ça va être lié à la diffusion des normes sur le moment. Donc, je pense pas qu'on puisse pencher d'un camp comme de l'autre, soit dire l'espace est un sanctuaire absolu, c'est un bien absolu de l'humanité, il faut qu'on le préserve. Ça me paraît un tout petit peu idéaliste. On se rend compte déjà qu'il y a des compétitions, que les tensions, notamment sur le plan militaire, commencent à s'aviver, que les discussions sur une arsenalisation de l'espace sont au point mort. Hein. On a quand même commencé les discussions au milieu des années 90 dans une enceinte de l'ONU qui s'appelle la conférence sur le désarmement. Ça n'a toujours pas avancé en raison de positions extrêmement figées entre les États-Unis d'un côté et la Chine et la Russie de l'autre. D'un autre côté, de là à dire que les exemples historiques précédents ont montré que voilà, tout est noir, que la guerre se propage automatiquement dans un territoire vierge, je pense qu'on a quand même fait montre d'une certaine forme de maturité politique aussi, notamment dans la guerre froide, en réussissant quand même à établir une sorte de statu quo par le biais d'intérêts bien compris, par le biais de régimes internationaux qui permettent de stabiliser une situation. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler, et je pense de ce point de vue-là que l'évolution du droit spatial international est vraiment primordiale, parce que c'est ce qui permettra de codifier les rapports, c'est ce qui permettra de clarifier les choses, et donc... Il y a un gros travail à faire voilà, là-dessus. Je pense que c'est surtout l'avenir du droit spatial international qui, à mon avis, décidera du futur. C'est assez prosaïque, mais je le vois comme ça. Alain, en deux, trois mots, parce qu'il faut qu'on termine là. Bon, moi, je serais tout à fait optimiste. Mais alors, d'une certaine manière, le devenir de l'espace, bon, l'expansion, je pense que nous assistons aux premières décennies de l'expansion humaine dans l'espace. Donc un jour, alors au 22e, 23e siècle, l'humanité sera une humanité qui existera sur plusieurs planètes. Déjà la Terre, la Lune, probablement Mars, mais peut-être aussi... tout simplement des grands habitants installés dans le cosmos, mais l'expansion humaine vers le cosmos, pour moi, me paraît être une tendance tout à fait naturelle de l'évolution de la civilisation. Maintenant, pour ce qui est de la paix ou de la guerre dans l'espace, parce que c'est quand même ça, bah, la paix ou la guerre dans l'espace dépendra de la paix ou de la guerre sur Terre. Et on peut faire tous les traités que l'on veut, ça peut... Les traités permettent d'établir des relations de plus grande confiance, par exemple. Mais quand une guerre arrive, les traités, les codes de bonne conduite, ce que vous voulez, ne sont plus vraiment respectés. Et on le sait très bien, le XXe siècle a bien montré. On est quand même toujours dans une période où il y a des guerres. Ce ne sont pas des guerres de l'ampleur de celles qu'il y a eu au XXe siècle, heureusement. Mais malgré tout, donc, le devenir de la paix ou de la guerre dans l'espace, ça dépendra énormément du devenir de la paix sur la Terre. Donc on ne peut que souhaiter que cet état de paix à peu près général qui existe depuis des décennies sur notre planète persiste et même s'améliore. Et je crois qu'effectivement, une évolution vers une gouvernance mondiale, mais là c'est pas du tout pour ce uniquement spatial, une gouvernance mondiale, on a quand même l'ONU qui est quand même une plateforme, je dirais, de départ. L'évolution vers une gouvernance mondiale est quelque chose que nous ne pouvons que souhaiter. Mais s'il n'y a pas de conflit sur la Terre, il n'y aura pas de conflit dans l'espace. Il y aura de la compétition, mais cette compétition sera économique. Elle peut être aussi culturelle, mais ça ne sera pas une compétition qui tuera des gens ou qui fera des destructions. Donc, malheureusement, en revanche, si sur la Terre, il y a des affrontements, ils s'étendront automatiquement à l'espace, qui est une zone essentielle pour le support aux forces armées. Hein. Je disais tout à l'heure, les États-Unis dépensent probablement plus de 30 milliards de dollars par an dans les activités spatiales dites militaires, en même temps réputées pacifiques, mais sans lequel leur système ne marche pas, et les Chinois en viendront là un jour aussi. Donc, s'il y a une guerre... On détruira des satellites, on détruira des bases de lancement, on détruira des moyens de communication spatiaux. Mais, encore une fois, c'est donc la guerre sur la Terre qu'il convient d'éviter. Philippe, à vous l'honneur pour le mot de la fin. Moi, je suis aussi très optimiste puisque, bon, on est sur de bonnes bases. Ça fait 50 ans que le spatial existe, enfin, l'utilisation. Le cadre juridique est sain. Et comme je l'ai rappelé, il est très, très positif. Et il risque pas d'être mis en cause, pas parce que les gens sont bons, mais c'est parce que personne n'est d'accord pour le changer. Donc c'est bien, c'est très bien. Le faire évoluer, effectivement, pour répondre aux besoins, mais surtout ne pas toucher aux fondamentaux. Les bases sont là. La guerre dans l'espace. Moi, je pense qu'on est un peu... c'est un peu comme le nucléaire. Effectivement, ça pourrait avoir des conséquences, mais personne n'osera. Parce qu'il y a c'est la dissuasion. C'est si quelqu'un commence à détruire les satellites de l'autre, il y aura des rétorsions. Puis il y a beaucoup de façons de neutraliser. C'est soit il y a les fréquences. On peut. C'est pas la destruction physique du satellite, mais c'est de brouiller ou éventuellement de ou au sol. Enfin, peut-être une guerre des mots. On va être dans une logique de la dissuasion nucléaire. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans l'histoire, on a bien vu que la course en période de dissuasion de guerre froide. Ce qui a permis un peu de positiver cette guerre froide, c'est la course à la Lune sur un objectif qui, quand même, malgré tout, est pacifique. Même s'il a mobilisé la défense, in fine, on a fait marcher quelqu'un sur la Lune. Et puis, il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu d'appropriation, parce que malgré le drapeau, les Américains sont empressés de dire « mais ça ne veut rien dire, on ne revendique aucune appropriation ». Et donc, et l'espace, vraiment, nous, les spatiaux, on peut être fiers de nous, puisque en 50 ans, l'espace s'est imposé dans notre société. Alors, sans aller jusqu'au concept de space dominance, mais vous savez que les Américains qui défendent cette doctrine disent, bon, les Anglais, en gros, ont maîtrisé le monde au 19e parce qu'ils avaient la maîtrise des mers. Nous allons maîtriser le monde parce qu'on a la maîtrise de l'espace, puisque maîtrise de l'espace, c'est la maîtrise globale de l'information. On écoute, on regarde, on communique et on peut faire tout ce qui est négatif attaché, de façon attachée. Donc, ça existe. Et donc, c'est un élément où l'Europe est très fière, puisque nous avons tout, nous sommes une puissance spatiale complète. Et donc, nous c'est très intéressant, parce que c'est très important, puisque nous restons souverains. Je crois que dans le monde à venir, il y aura deux types de pays. Les pays souverains qui seront les puissances spatiales, parce qu'elles ont la maîtrise de ces systèmes d'information globaux, et les autres. Donc, l'Europe, par tout l'effort qu'elle a su générer, est une puissance souveraine et le restera.